écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Et devant moi, c'est Sébastien Evgartin. Bonjour. Salut, ça va? Ben oui, vous autres? Oui. Tellement. Toi, ton congé de 3-4 jours, peu importe? Ben de la job. Ouais. On n'a pas de repos pour les guerriers, hein, c'est... Non, c'est ça. C'est mi-session, pis tout, pis tout. Ben oui, pis tout. Ouais. Mais bon, gars, on va faire avec, hein. On va réussir à s'en sortir. On va faire ta chronique éditoriale que moi, j'ai comme un petit surnom, mais tu sais, c'est rien d'officiel, pis tu sais... Je te force pas. C'est le bulletin Gartin. C'est fait avec le sujet de cette semaine, en tout cas. Genre, on va s'arrêter là avant de donner des spoilers, justement. Là, mais... Allons-y. Est-ce qu'on parlerait d'éducation là-dedans ou quelque chose du genre? Hein? Ben oui, tu sais, sujet qui revient jamais dans ma chronique. Ouais, c'est ça, cette semaine, j'ai décidé de parler de... Je me disais, à la limite de, à date où le journal sortait cette semaine, on n'est pas loin de la limite d'abandon sans échec. Mm-hmm. Sans échec, qui est d'ailleurs un F, comme dans Sébastien F. Gartin. Donc, t'es un petit peu Sébastien Échec Gartin, si on le regarde comme ça. Pas eux, échec. Ah, ça dépend des places, hein. C'est ça, il y en a, c'est des ça, F. Ouais, fail, ouais, c'est ça, t'as raison. C'est que t'as comme. T'as ouais, des c'est notes. Ça, F, c'est fail. Je pense que c'est un gars puis après ça, t'as. En tout cas. Bref, hein. Bref. J'ai tu fait de sortir ton sujet, peut-être un petit peu. Puis je suis pas dur à perturber, mais attends. J'ai jamais eu ça, des E, des F. Non. Ben non. C'est pas ce que c'est. Ben non. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est prochainement, on va pouvoir. Ça va être la limite qu'on va pouvoir abandonner un cours sans le pocher. En termes communs. Ouais. Moi, ça, c'est en fait, sans le pocher sur papier, on s'entend. Ouais, c'est ça. Je l'ai pris à miroir, mes échecs. Badaboum. Parce que dans le miroir, je me regarde et je suis un échec. C'est ça que, ah, c'est ça que je veux dire. Oh, mais voyons, je pensais pas que ça irait là. Ça devient dark un peu. C'est bon. Comme le ciel à matin. Mais bon. Fait que. Ouais. On était là. Hey, c'est dur à suivre. Hey, c'est dur à matin. Ah, hey, vous m'aidez pas. On est de retour d'un congé, là, fait qu'on est un petit peu ouais. Tout à fait là. On est tout un peu ramassé. Ouais. On a regretté de ne pas avoir tout abandonné nos cours. C'est ça. Bref, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on abandonne des cours? C'est ça la question que je me suis posée. On n'est pas bon, on l'aime pas. Ouais, si, ben je sais pas. Peut-être qu'on a vraiment poché jusque-là. On se dit, tant qu'à continuer, je vais recommencer. Puis ça paraîtra pas nulle part. Et le sondage donne! Ça, si c'était à la guerre des clans, est-ce que les réponses, ce serait des bonnes réponses? Non, peut-être que tu voulais un emploi étudiant à temps plein. Puis la star que tu l'as eu, tu peux abandonner des cours, être à temps partiel et garder ton emploi. Mm-hmm, mm-hmm. Moi, je pense qu'il y a souvent des petits passe-droits qui vont avec les abandons comme ça. Il y a souvent des petits passe-droits comme ça, mais moi j'ai été 4 ans en psycho, puis j'ai appris c'est quoi un programme compétitif. Tu sais, les programmes de même que tu fais pour rentrer en quelque part ailleurs. Ouais, ouais. On dirait que tu te fais tellement pousser sur les notes, tu sais, par les profs, par ci, puis ça. Tu sais, moi, dans la vie, j'ai un B+, puis je capote pas avec ça, tu sais. Moi, oui. En psycho, c'est une autre affaire. Ah, ben. Mais plus, c'est passé, c'est passé. Bon, toi, fait que Steph, ça va s'adresser à toi. Mais c'est ça. Mais t'sais. Le pire, c'est que c'était pas super un milieu compétitif, là. C'était pas pour. Par exemple, si tu veux devenir médecin, là, attache-toi, là. C'est... Mais si j'étais vraiment pas dans ce genre de domaine-là. Mais toi, t'as fait quoi? T'as un bac en littérature, je pense? Études françaises. Études françaises. Ouais. J'avais commencé littérature, j'ai abandonné le profil. J'ai changé de profil pour langue et com. OK. Ouais. Mais c'est pas un milieu super compétitif. Là. Quand même. Je te laisse poursuivre. Ben, d'abord, ça donne de l'eau à mon moulin parce que moi, je pensais que c'était juste. J'avais connu ça juste dans un bac hyper compétitif. Tout le monde le sait. Rentrer en psycho, le bac, ça donne rien. C'est parce que tu vas aller au doctorat que tu fais ça. Il y a très peu d'élus sur la quantité de gens qui rentrent au bac. Mais c'est ça, c'est que tu vas voir ça souvent, le monde, c'est la fin du monde quand ils ont un B+. Mm-hmm. T'sais, c'est le monde s'écroule, jamais je ne réaliserai mes rêves, jamais je n'aurai de carrière. Et c'est à quelques millimètres du A, là, genre le B+, ouais, c'est ça, tu sais. C'est souvent ces deux réponses, c'est un choix multiple, ouais. Mais c'est ça. Puis pourquoi est-ce que. Moi, c'est surtout ce qui me fait capoter, c'est pourquoi est-ce qu'on abandonne le cours tant qu'à ça? Si le cours est si tough que ça, il va falloir que tu le fasses anyway. Fait que tant qu'à ça, t'as payé pour. Parce que là, c'est ça, la limite d'abandon sans échec. T'as payé pour pareil, là. T'as okay, déboursé okay. Quand même. Mais ça, c'est pas remboursé. Okay. Là. Il doit y avoir des là, je me suis pas je suis pas informé sur les détails. Moi, j'ai jamais fait ça, abandonner un cours, honnêtement. Fait que là, je suis bien placé de faire la morale. C'est pour ça, d'ailleurs, ma chronique s'appelle de édito-moralisateur. Fait que... Dans le zone campus, dans le zone campus. On le mentionne pas assez, t'es là pour, entre autres, la campus. Ouais, c'est ça. Ouais, ben tu sais, j'essaie tout le temps de pas tout à fait à refaire ma chronique non plus, parce que c'est plate. C'est bien dit. Mais non, c'est ça. La misère à garder le fil le matin. Bon, pas facile. Faites-en pas avec ça, on va broder autour. Hein. On est bon en tricot. On est bon en tricot. On a fait du tricot machine avant. Ah ben, l'émission comme ça. Oh, wow! Juste avant l'émission. C'était le tricot machine. T'es carré, c'est Sébastien Gartin. Bravo. Voilà, c'est tout. C'est que je t'ai dit, quand je suis pas brillant, je suis humoriste. Ouais, un vrai petit humoriste. Bon. C'est bon, ça, j'aime ça, un humoriste. Comment dire, éditorialiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait des éditos moins plates. Exact. Je parle mal à matin en plus. C'est tout va bien. Ah, fait que, non, c'est ça. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Hey, écoute, au moins, j'ai de l'amour inconditionnel de Mathieu. C'est correct. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est moi, ce que je me disais, c'est ça. C'est que ce que ça montre, c'est que là, le monde, ils vont s'inscrivent dans un bac, ils vont dans ce bac-là pour rentrer ailleurs. Oui, c'est sûr que tu veux continuer plus tard, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses ce bac-là avant de faire ton programme dans lequel tu veux rentrer ensuite? C'est pour acquérir des connaissances à un moment donné, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est pas le fait de posséder un papier qui s'appelle diplôme qui fait que t'es apte à ça. Le diplôme atteste du fait que t'as suivi les cours, donc que t'as fondation, t'as une base. Que t'as reçu, t'as eu ta base de connaissances théoriques, tu sais. Fait que là, ce que ça donne du monde qui... Puis là, je me base pas mal sur mon exemple de psycho puis de certains autres programmes que je connais aussi. Là, t'sais, les programmes pour rentrer ailleurs, on les nommera pas tous, mais ça, on en connaît. C'est ça, t'sais, ça donne des cours où le monde s'intéresse zéro à matière. T'as aucune forme de discussion. La seule affaire, t'sais, le monde lève la main pour poser la question. « Monsieur, si tu es à l'examen, ça? Madame, si tu es à l'examen, ça? » Ça, c'est la seule affaire que tu te demandes par rapport à ce que tu vois. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de réflexion. Fait que je parlais dans ma première chronique qu'on est à l'université et qu'on n'est pas des techniciens de luxe. Là. On est là pour aller plus loin et changer des trucs dans le domaine dans lequel on étudie. Même du moment que tu tombes dans les cycles supérieurs, c'est un peu ça l'idée. Il faut que tu fasses une contribution. Donc, tu fais évoluer ton milieu, puis même à ça, même si tu travailles dans un domaine qui a juste un bac qui est nécessaire, tu vas plus loin qu'un simple technicien. T'sais, un technicien, c'est pas pour parler contre les techniciens, là, mais les techniciens sont là pour faire, ils connaissent des techniques, puis ils les appliquent. Mmh. C'est de l'application. Quand tu es à l'université, c'est pour être capable d'aller plus loin. Mais améliorer ces techniques-là. Ouais, c'est ça. Améliorer les techniques, améliorer comment tu conçois, puis ainsi de suite. Puis ça va. C'est ça le principe. Fait que pourquoi est-ce qu'un universitaire, à un moment donné, se met à juste boquer, à apprendre ce qui est nécessaire, puis c'est tout, tu sais. Justement, plus grand ton bagage de connaissances, meilleur tu vas être, tu sais. Mm. Fait que là, sinon, c'est ça. C'est la mentalité de... On prend la liste des exigences pour avoir le diplôme, puis on les remplit. Puis après ça, pour rentrer ailleurs, pour rentrer dans l'autre programme, on a une autre liste d'exigences. Souvent, c'est d'avoir... Souvent, la moyenne, c'est la grosse affaire en haut. Là. En tout cas, c'est ce que les profs essaient de nous faire penser. Là. Fait que là, c'est l'obsession encore là-dessus. Puis, tu sais, t'en parles avec du monde un peu. Des fois, ça arrive pas à longueur de temps, mais tu sais, des affaires du genre, t'es assis dans une classe, tu t'assois à côté à une chaise de quelqu'un que tu connais pas, puis la personne se cache. T'sais, genre lève son cartable, t'sais, comme au primaire quand on faisait des examens. Là. T'sais, lève son cartable pour pas que tu vois ses notes, pour pas que tu copies ses notes. T'sais, même pas à l'examen. Là. T'sais, ouais. des non-sens de même. Ou tu t'en vas à la bibliothèque checker un livre qui est à réserve, t'sais, que le prof a dit, t'sais, ce cours-ci, ce livre-là, telle page à telle page, c'est bien intéressant pour ce qu'on a dit. T'arrives là, puis premièrement, le livre est sorti, puis il est en retard de 2 jours. Puis où t'arrives, puis la page qui a ça a été barbouillée. T'sais. C'est pas des affaires que tu vois souvent, mais c'est des affaires que tu vois quand même. C'est grave. Ça amène à poser des questions. T'sais. Pourquoi qu'on est là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait à l'université si c'est juste pour se planter entre nous autres? Puis tu sais, je reviens à l'exemple de psycho. Tu sais, psycho, à base, t'étudies là-dedans pour devenir psychologue et ou faire de la relation d'aide, tu sais. Tu sais, tu vas travailler avec ton empathie toute ta vie. Ça part là, mal. Ça part mal, tu sais, quand t'es comme en full compétition avec tout le monde, tu sais. Après ça, quand t'arrives sur le milieu du travail, tu sais, t'as passé tes 3 ans ou 7 ans, tout dépendant si t'as fait un doc, d'université à dans la mentalité de compétition, dans la mentalité de planter les autres, parce que tu sais, plus que ça, toi, il faut que tu aies la moyenne, mais si les autres, ils ont une moyenne plus haute que toi, pareil. T'es en bas de la moyenne. T'es en bas de la moyenne, tu sais. Si t'as pas le goût d'être dans la moyenne, t'as le goût d'être au-dessus, tu sais. Fait que là encore, c'est ça, tu sais, mentalité de compétition. C'est pas très, très productif pour un domaine comme ça. Il me semble que la meilleure façon d'augmenter ta moyenne, c'est d'étudier. Pas de, d'empêcher les autres de le faire. C'est sûr. Là, ça, c'est, tu sais, on s'entend, là, ce que j'ai compté là, c'est quand même un peu anecdotique, là, tu sais, les, c'est des cas extrêmes, mettons, mais tu sais, il y a tout le temps quand même un peu de. T'as pas tant le goût que l'autre réussisse, tu sais. Tu sais, mettons que t'es tout seul dans la classe à avoir ton A+, là, ben, il vaut pas mal plus que si vous êtes 8 dans la classe sur 30 à l'avoir, tu sais. Fait que là encore, tu sais, je dis pas que justement, c'est pas tout le monde, puis c'est même pas la majorité qui vont faire des moves un peu trash de même. Mais il y a quand même une mentalité derrière ça, tu sais. Puis comme c'est un peu ma conclusion dans mon article écrit, c'est ta note là, sur ton bulletin, là, le jour que ton chat est malade ou que tu files pas ou que, tu sais, whatever, là, c'est pas ton bulletin qui va te remonter le moral, c'est tes chums, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, je te mets au défi d'aller prendre une bière avec ton bulletin à ta fête. C'est triste. C'est vraiment triste. Triste. Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Mais peu importe la note que t'as, tu sais, même si t'es de mauvaise humeur une journée, tu vas peut-être aller tuer un de tes patients si t'es médecin. Fait que même le meilleur étudiant en médecine, on va dire, va peut-être aller tuer quelqu'un. Alors, encore, c'est extrême, là. Mais c'est peut-être de remettre en question le fonctionnement des systèmes de notes puis des courbes de ci puis de ça. Ben, c'est ça, tu sais. C'est qu'à un moment donné, il y a une obsession moi, j'appelle ça un peu l'obsession d'évaluation, tu sais. C'est que c'est rendu au point où même les profs ont cette mentalité-là à un moment donné, tu sais, de dire, t'es plus là pour passer de la matière intéressante ou même originale. Ben, c'est ça qui est hot. Des fois, tu vas avoir une fois de temps à autre, tu vas avoir un prof qui est vraiment une sommité puis qui travaille sur quoi de vraiment flyé puis, excusez, vraiment avant-gardiste. Puis là, il va te passer une matière, tu sais, des affaires que tu n'aurais vraiment pas vues ailleurs puis tout. T'sais. C'est sûr que dans une université comme l'UQTR, c'est un peu plus rare que ça arrive, mais ça arrive quand même. Mais là, c'est que de plus en plus, les profs aussi vont se restreindre là-dessus pour y aller avec de la matière peut-être un peu plus... testable, entre guillemets, t'sais. Plus facile de faire des examens pour. Mm-hmm. Fait que là, entre autres, une des affaires qu'on voit de plus en plus, ben, c'est de plus en plus des examens à choix multiples. Parce que c'est plus valide en termes de d'évaluation, t'sais, je veux dire. Ça se corrige mieux. En théorie, c'est, comme je disais, c'est plus valide. Comme là, je tombe dans les termes un peu techniques de métaux, là, mais t'sais, c'est. Théoriquement, tu vas avoir plus de chances de donner tout le temps la même réponse à un examen à choix multiples dans des conditions similaires qu'à un examen à développement, par exemple. OK. Fait que théoriquement, un examen à choix multiples est meilleur, mais en même temps, ça donne... Ouais, sauf que dans le quotidien, t'es amené à réfléchir justement à... Je veux dire, à devoir dealer avec ton environnement et tout ça. Donc, c'est la même chose pour les évaluations. Si t'es pas capable de réfléchir et de confronter le problème qui est dans ton examen, là, ben, tu seras pas plus capable de le faire dans la vie de tous les jours quand ça va être le temps d'exercer ton métier. Exactement, tu sais, c'est ça. C'est que là, il faut se demander ce que ça mesure aussi. Il n'y a pas de hasard dans les questions de développement. Il n'y a pas de hasard possible, alors qu'il me semble qu'il y a un hasard de plus dans le... Ben oui, tu as quand même un hasard possible dans les questions de développement parce que tu peux te dire, dans cette période-là, j'ai vu telle théorie, je vais en essayer une des trois. Ah, ben ouais. Puis ça peut tomber là-dessus, tu sais. Sauf que au moins, tu es capable de faire par toi-même l'étalage de cette théorie-là, contrairement à un examen à choix multiple. C'était quand même assez rare, les examens à choix multiple dans mon bac, là, honnêtement. Là. Ben, c'est pas le genre d'examen qu'on faisait vraiment. Ben, je pense que c'est une tendance lourde. Moi, je vais y aller de mon expérience un peu. En psycho, c'était pratiquement que ça. Moi, j'ai fait quelques cours de psycho. C'est ça, tu sais. C'est souvent, malheureusement... Le cours typique en psycho, puis c'est quand même une bonne partie de mon bac que c'était ça. C'est un prof qui fait des PowerPoints. Tu sais ce qu'ils nous disent de pas faire dans Zoho, là, des PowerPoints que t'as tout ton stock dessus. Mm-hmm. Des acétates. C'est ça. T'sais. Là, le prof en vient à juste quasiment lire ce qui est écrit sur ses PowerPoints. Fait que déjà là, t'sais, ça donne quoi de se pointer au cours. Exact. Puis là, après ça, t'arrives tes questions d'examen, ben c'est mot pour mot des phrases du PowerPoint, puis il faut que tu choisis le bon mot, t'sais. Fait que, tu sais, ça c'est poche. Là, moi, après ça, j'ai fait un bac en philo, que là, je commence, là, j'étais à maîtrise, puis en philo, c'était exactement le contraire, mais on est un milieu particulier, tu sais. C'est vrai que vous êtes particulier. On est 10 dans une classe, puis on trouve qu'on est beaucoup, là. Fait que, déjà là, ça change beaucoup la dynamique, là, mais c'est ça, tu sais. Je me base pas sur philo pour dire ça, parce que je sais qu'on est un un domaine un peu particulier. Mais ça montre quand même un peu l'étalage du genre de cours possible là, l'éventail, à l'université. La ouais. palette. C'est ça. Là, tu as terminé ton, ton bac, tu disais, en psychologie, tu l'as fini complètement. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu es en philo. Est-ce que ça fait combien de temps que tu es là? Ben là, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que on est ces tranches de vie. Ouais, c'est ça, on veut te connaître un peu. Dans le fond, j'ai tiré mon bac en psycho sur 4 ans. Mm-hmm. Puis une fois que je l'ai eu fini, j'ai pris toutes mes complémentaires en philo. Fait que je me suis retrouvé à faire un bac en philo après qui m'a pris 2 ans à 4 cours sessions. OK. Fait que c'est ça. Fait que 6 ans de bac, puis là, c'est ma 7e année à l'UQTR. OK. Wow. D'où ma chronique de l'année dernière dans le journal qui s'appelait La belle-mère. Ouais, c'était ouais, ça ouais. la joke. C'était parce que ça fait trop longtemps que je dis ça. Je suis le Parisot de l'UQTR. Mais on va te prendre tant que tu seras là. Ça avait l'air bizarre okay, phrase, ouais, ouais. mais ouais. Sébastien F. Cartin, on est dans Zone Campus. Oui. Aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Sur zonecampus.ca. Mais vous pouvez le lire pendant toutes les 2 semaines si vous voulez. Sans arrêt. Ça ou un petit paragraphe redondant. Par soir. Non, un paragraphe par soir. Un chapitre. Ça. On devrait ouais, séparer le journal en chapitres. Ouais, ça serait pas peu. Chaque colonne serait un chapitre, je pense. Ça serait pas peu. Ouais. Ça devient lourd un peu. C'est la philosophie derrière ça qui est lourde un petit peu, je pense. Tu connais ça. Ouais. Merci encore. Ça me fait plaisir. Merci de... C'est ça. On se comprend. Bonne chance. Ouais, bonne chance toi aussi. Puis bonne journée si t'es capable. Puis on va essayer. Steph aussi. Hein. Go, lâche pas. Bonne chance, gang. C'est ça. The Bar Brothers, qu'on s'en va entendre avec Half Crazy, c'est nous en ce moment. Ça. À fou. À moitié fou. Juste à moitié? C'est fou à moitié, c'est... C'est poche. C'est juste CF. Ouais, c'est poche. We'll be right back. The Bar Brothers, la pièce Half Crazy. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Comme c'est l'heure du midi, je vous ai parlé qu'on parlerait de bouffe, eh bien, je vous en parle tout de suite. Et puis même, si je ne traite pas bouffe végétarienne, ben la photo semble appétissante. Par contre, on va aller en apprendre un peu plus sur ce hamburger végétarien qui a tout d'un vrai cheeseburger, même le côté saignant. Mais je dis végétarien, il ne doit pas être végétarien. Oui, végétarien peut-être, mais pas végétalien. Parce que ça peut pas être un cheese puis être végétarien. En tout cas, on va en apprendre là tout de suite. Bonjour, un hamburger végétarien, s'il vous plaît. Vous avez bien lu, végétarien et saignant. C'est le projet un peu fou de Impossible Food, un laboratoire de recherche créé par Patrick Brown, biologiste et physicien de la prestigieuse université de Stanford. Ce scientifique veut montrer qu'on peut manger un burger végétarien tout en ayant les mêmes sensations que si l'on dévorait un vrai burger. Il estime qu'il est difficile d'abandonner la nourriture qu'on aime, même pour de bonnes causes si aucune alternative satisfaisante n'existe. Avec son équipe, il travaille donc sur ce burger qui a l'apparence de la viande, sent comme la viande, a le goût de la viande et saigne même comme de la viande. Comment est-ce possible? Eh bien, dans l'hémoglobine, il y a de l'hème, une structure aromatique contenant un atome de fer. L'hème se trouve aussi dans certaines plantes. L'hème, là, c'est H-E-M comme hémoglobine. Il n'en fallait pas plus aux chercheurs pour avoir envie d'exploiter ce phénomène. En plus de l'hème, il prend dans ses plantes, mais aussi dans des graines et des céréales, des acides aminés, de la graisse, des nutriments en fonction de leur couleur, mais aussi, surtout, de leur goût. Pour l'instant, le goût du produit final se situe plutôt entre le bœuf et la dinde, mais c'est déjà mieux que lors de son premier essai qui avait l'air de la polenta rance. Il a avoué ça au Wall Street Journal. Donc, plus d'images de ce burger sur le Wall Street Journal qui l'a testé. On peut aller voir, on n'a pas trop de nouvelles. Sinon, on nous envoie un petit top ici des burgers VG qui seraient peut-être les plus intéressants. Ben, gars, vous irez voir, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais vraiment, je mettrai je dis ça ne m'intéresse pas. Les burgers ont l'air très, très bons. Mais je pense pas qu'on les trouve pas loin. Et puis, si on les fait, je suis pas sûr. En tout cas, parce que c'est ça le problème. Manger végétarien ou végétalien, si on est un champion de la gastronomie, ça va pas pire, mais la plupart des gens se contentent des veggie dogs, hein, pas mal. Et de la bouffe assez peu intéressante pour moi, en tout cas, moins allumante. Et parlant de bouffe qui est moins allumante, ça le dit ici, on parle de la Silicon Food. OK, la nourriture du futur. De plus en plus d'informaticiens travaillent sur la manière dont nous mangerons demain. Les geeks peuvent-ils nourrir la planète? Eh bien, il y a un an, le co-créateur de Google, Sergey Brin, défrayait la chronique en expliquant qu'il serait un jour possible de mettre au point un steak en laboratoire. OK. Un champ d'exploration intéressant alors qu'on sait qu'un kilogramme de bœuf, ça c'est hallucinant, un kilogramme de bœuf dans une assiette a nécessité l'utilisation au préalable de 15 000 litres d'eau à générer en CO2, l'équivalent de la production d'une voiture sur 1600 kilomètres. Depuis, de nombreuses sociétés de la Silicon Valley se sont mis dans la tête de réinventer la nourriture de demain. Comme l'explique la Tech 24, émission high-tech de la France, dont le Point FR est partenaire. C'est notamment le cas d'Hampton Creek, une start-up de 60 personnes nichée dans un ancien garage de San Francisco. Cette structure dans laquelle ont investi Bill Gates et le milliardaire asiatique Lee Kang-shing a ainsi réussi à mettre au point une mayonnaise sans œufs en transformant notamment des petits pois venus du Canada. On a fait une mayonnaise sans œufs avec des petits pois. Son créateur, Joss Terrick, diplômé de la Cornell University, a passé plusieurs années pour les Nations Unies en Afrique et en particulier au Kenya, où il a pris conscience de la nécessité de réfléchir à la manière de nourrir l'humanité de demain. Aïe aïe, hein? De son côté, Ethan Brown, un ancien employé de chez Google, a réussi avec la start-up Beyond Meat à recréer un goût de poulet grâce à du soja. De leur côté, les pros de l'impression 3D travaillent sur la fabrication d'aliments Vous avez compris. C'est le cas chez Chef Jet, spécialisé dans la fabrication de bonbons, ou encore de la NASA qui travaille sur une technologie pour nourrir des équipages dans l'espace. Mais le plus ingénieux de ces bricoleurs de l'assiette s'appelle Rob Reinhardt. Cet ingénieur informatique a inventé le concept d'un concentré liquide d'éléments nutritifs qui promet de nous apporter 98% des protéines, vitamines, calcium, magnésium dont notre corps a besoin en une journée. Il est baptisé le Soylent, ce liquide que l'on ingurgite dans un verre comme dans une tasse de café, permettrait un gain de temps crucial à l'heure du déjeuner. Parfait, à l'exception notable du goût qui est loin d'être à la hauteur. Bref, nos docteurs fol amour des fourchettes ont encore beaucoup de pain sur la planche. Et pas du pain en plastique! Non, mais c'est comme ça, hein? Pardon. On passe ici de la nourriture à la vie en colocation ou avec votre partenaire. Hein, si vous avez toujours été avec votre copine, votre copain, puis tout d'un coup, à partir de là quelques temps, ben, vous habitez ensemble. En plus d'être votre copain, votre copine, ça devient aussi votre colocataire. Hein? Eh bien, voici 19 choses complètement insupportables auxquelles on peut être tous confrontés avec la vie en colocation. Ça peut être avec les enfants même, ça peut être partout, hein? La vie commune, surtout avec des inconnus, ça c'est sûr, est source de frustration. Difficile de supporter un colocataire et ses habitudes, hein? Ses manies, son caractère et tout. Donc, premier truc qui nous fait chier chez les colocataires, eh bien, c'est quand l'évier se transforme en jeu de voyons qui va réussir à empiler plus d'assiettes sans que la pile ne s'effondre. Hein? On arrive des fois, puis oups! On veut se faire à manger et puis ça prend 3 heures de lavage d'assiettes puis de chaudron puis de pour réussir à se faire à manger. Non, ça dérange. Quand un colocataire mange tout votre nourriture ou laisse juste une goutte de lait ou de jus, tu sais, juste pour pas dire qu'il l'a tout vidé, là. Ça me fait penser beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon garçon. Hein? Encore pire quand il finit le rouleau de papier hygiénique et n'en met pas un nouveau. Hein? À la place, il va dire « Hey, il n'y a plus de papier! » Ben, vas-y, puis place-les! Hein? Aussi, qu'est-ce qui nous énerve, c'est quand tous les mauvais talents culinaires de nos colocs. Bon, ça, c'est pas... c'est genre... Parce que là, il y a un gif animé qui nous montre un peu un gars qui sait pas faire du tout à manger. Ça, c'est assez ordinaire. Ça, c'est quand il y a tellement de poils dans le trou de la douche, hein? Tellement de poils dans la canalisation... tous les poils te disent bonjour le matin, hein? Quand ils refusent d'allumer le chauffage pour économiser ou qu'ils te laissent sans eau chaude pour aller prendre ta douche. Ça, c'est surtout celui-là, hein? Prendre toute l'eau chaude à chaque jour, chaque matin, puis ils se dépêchent à se lever avant toi, tu sais, pour pouvoir être sûr. Quand on veut dormir et qu'on entend tous les mouvements du colocataire dans sa chambre, et puis ça peut être des trucs désagréables, là. Il organise des fêtes à la maison, tout ça sans vous prévenir. Ça, là, on parle vraiment plus du colocataire. Et quand il dit t'inquiète pas, j'ai tout rangé. Et puis là, vous ouvrez, genre, je sais pas moi, la fameuse porte avec les pots de plastique. Et puis tous les pots vous tombent dessus. Hein? Ou peut-être ça peut être pire s'il est maniaque de rangement. Ça peut être dérangeant aussi, hein? Le coloc qui entre dans votre chambre ou qui ouvre la porte de la salle de bain ou de votre chambre sans cogner, sans faire attention. Exactement, hein? Aussi, un coloc qui ne change jamais les poubelles, donc qui ne les vide jamais. Et s'il les vide, ne remet jamais de sac dans la poubelle. Hein? On a déjà vu ça. Quand des kilos de lettres et de circulaires s'accumulent dans la boîte aux lettres parce qu'il ne prend jamais la peine de les ramasser... OK, ça, c'est un peu moins pire, hein, parce qu'on n'en a plus beaucoup de postes, je trouve, à part quelques publicités. Quand on doit laver ses vêtements et que le sèche-linge est occupé depuis des jours avec des vêtements, bien sûr, en vous forçant à les enlever pour lui... Ouais, mais ça, moi, ça ne marcherait pas longtemps. Quand il s'empare du sofa et de la télécommande, ça, c'est assez dérangeant, tout à fait. Quand il fouille dans vos affaires ou se mêle de vos conversations... vous épie, hein, vous regarde, un peu trop voyeur peut-être. Si aussi, il attend tout le temps que vous alliez payer les factures. Hein. Lui, jamais, jamais, il va mettre la main sur la facture. Non, il n'y en a pas besoin. Hein. Quand il croit que la confiance, ça veut dire pouvoir se promener dans la maison dans les pires accoutrements. OK, ben ça, c'est pas tellement grave. Quand il croit que la brosse des toilettes est juste un élément décoratif, hein, il n'a jamais lavé la toilette. Pourtant, il s'en sert tous les jours. J'ai un ado comme ça, moi. Il se sert de la toilette tous les jours, se sert de la douche tous les jours, la nettoie rarement. Mais bon, c'est moins pire. Au moins, un ado, ben, je sais pas. Il y a pas, c'est pas moins pire. Hein. Faudrait qu'il m'aide, tout simplement. Ouais, OK. Tiens, il y en a que leur colocataire aussi, c'est des chats. Et là, c'est mon lien ici. Une polémique autour d'une possible interdiction de la chasse aux chats. Et tout ça, c'est en Allemagne. Je savais pas qu'on avait le droit de chasser le chat. Un projet de loi visant à interdire la chasse aux chats dans le land allemand de Rhénie-du-Nord-Westphalie. La Westphalia, hein, c'est dans ce coin-là, a déclenché la colère des associations de chasseurs qui défendent ce droit pour des raisons écologiques. Le texte qui fait polémique doit être présenté au Parlement régional avant la fin de l'année pour une adoption possible au printemps prochain. Willem Dietermann, porte-parole adjoint du ministère de l'Environnement de cet État gouverné par une coalition de sociaux-démocrates et des Verts. Depuis les années 30, tirer sur les chats est autorisé sous condition, a-t-il expliqué. Les chasseurs ont le droit de tirer sur les chats à partir du moment où ils se trouvent à plus de 200 mètres de la dernière habitation, donc dans un champ, une lisière de forêt, par exemple, au motif que le chat est un prédateur potentiellement nuisible qui s'attaque aux oiseaux et aux rongeurs. OK. Mais selon le ministère dirigé par l'écologiste Johannes Remmel, les dégâts causés par les chats ne justifient pas une telle réglementation. Faux, répond la Fédération des chasseurs de la Rhénie-du-Nord-Westphalie, très mobilisée sur le dossier. Sur son site Internet, elle affirme qu'un seul chat tue chaque année jusqu'à 1000 oiseaux sauvages et réclame le maintien de l'ancienne législation. Côté félin, le bilan est en tout cas très lourd. Lors de la dernière saison de la chasse, environ 8000 chats ont été abattus dans le Land et jusqu'à 11 000 à 12 000 chats certaines années. D'autres pays européens, notamment la France. En France, il est déjà interdit aux chasseurs d'abattre des chats. Moi, là-dessus, je me ferai pas d'amis, mais je m'excuse, mais je vois pas pourquoi on a le droit de tuer tous les animaux, ou presque. Là. On a des... je parle en forêt, là. Je parle pas d'aller se promener en ville puis de tirer ces animaux, mais quand t'es en forêt, comme eux, ce qu'ils disent. Et pourquoi pas le chat? Je m'excuse, mais moi, je mets pas... Il n'y a pas d'importance animalière pour moi. Si tu tues une vache, pourquoi pas tuer un chat? Tu sais, une vache pour la manger, pourquoi pas tuer un chat? Il n'y a pas d'animal qui vient plus haut, peut-être, à part peut-être certains primates, là, où on peut dire qu'il y a certains comportements, puis il y a un côté, mais non, c'est faut que tu mettes ça dans la même gang, là. Une petite souris, c'est pas plus important qu'un chat, puis un chat, c'est pas plus important qu'un oiseau. S'il y a de quoi, même, en tout cas, question, un long dossier. Et vous, je sais qu'il y a des dossiers beaucoup plus importants à penser sur notre planète en ce moment. Mais bon. Et tiens, on va aller plutôt, on va changer de domaine, on va lâcher les animaux, on va aller plutôt en technologie. Je vous parle du couteau suisse Brunton des temps modernes qui réunit tous les câbles dont vous avez besoin. C'est une question techno. Oubliez le couteau suisse de papa avec ses multiples lames, toutes plus improbables les unes que les autres. Soyez honnête, quelle est la dernière fois que vous avez eu besoin d'un tournevis à l'improviste? D'un chargeur, par contre, hop, entre celui de votre smartphone et celui de l'appareil photo qui encombre, bien sûr, votre sac ou votre bureau, ils s'entortillent et bien souvent se perdent. Un problème que contre-réglait la compagnie américaine Brunton en proposant un couteau suisse équipé non pas de lame, mais plutôt de câbles. Trois chargeurs différents sont disponibles, les deux Apple et un mini USB. De l'autre côté, un port USB permet de brancher votre appareil à une source d'énergie. Et avec ce chargeur universel, fini les quelqu'un a un chargeur. Ah non, celui-là ne marche pas avec mon téléphone. Alors, c'est le Brunton. Donc, c'est le couteau suisse des temps modernes. Le couteau suisse pour les geeks. Hein? C'est ça. Je dis que je lâcherai les animaux. Ben, gars, on va lâcher les animaux. Je reviendrai plus tard, au pire. On a Elisabeth II et Mickey Mouse à pile ou face sur des pièces de l'île de New. L'île de New, je connaissais pas cette île, mais c'est une petite île dans le Pacifique Sud qui vient d'émettre des pièces de monnaie à l'effigie des personnages de Walt Disney sur une face de la reine et Elisabeth II sur l'autre. Ces pièces en or et en argent circulent légalement dans l'île, mais leur valeur réelle est bien supérieure à la valeur faciale. Compte tenu de leur originalité, elles suscitent l'appétit des numismates et voient bien sûr leur cote s'envoler. Pas moins de 1000 pièces contenant chacune une once d'argent. qui équivaut à 28,3 grammes. Et Aborant, la frimousse de Nodaldoc, ont été récemment vendus en moins de 10 minutes. Selon Simon Harding, directeur de la monnaie de Nouvelle-Zélande, une entreprise privée qui les a frappés. Les pièces actuellement les plus cotées sont celles contenant un quart d'once d'or, donc 7,1 grammes, et qui sont frappées à l'effigie de Mickey, Pluto, Dingo ou Minnie. Elles s'échangent à près de 800 euros pièce, alors que leur valeur faciale est seulement de 25 $ de new. Hein? Les pièces actuellement les plus cotées, prochainement 28 exemplaires d'une pièce Disney contenant, elle, hein, contenant un kilo d'or, hein? Soit un lingot de quelques 40 000 $ doivent être émises. 28 exemplaires d'une pièce Disney contenant un kilo d'or. OK. New, un confetti, ça veut dire une petite île, hein, située à 2400 km au nord de la Nouvelle-Zélande, compte 1400 habitants, perçoit des royalties sur chaque pièce vendue et l'île, librement associée à la Nouvelle-Zélande, espère tirer au moins 4,5 millions de dollars US de ces pièces sur les 10 prochaines années. Donc, un très, très bon coup par l'île de New. On aurait pu faire pareil, hein? On aurait pu y penser. Ben non. Et c'est des petits niouins qui ont pensé. Bon, on s'en fait une dernière avant d'aller en musique. Je vous parle de baleines. Eh bien oui, vous vous êtes déjà demandé comment dorment les baleines. Vous n'êtes pas les seuls. Un groupe de photographes spécialisés dans la photo sous-marine, Panga MX, a filmé sa rencontre avec des baleines à bosse et s'est intéressé au sommeil de ces cétacés. Dans une vidéo postée sur YouTube le 10 octobre dernier, on peut apercevoir une baleine en train de dormir, la tête en bas, mais parce que chez les cétacés, la respiration est consciente. L'animal ne sombre jamais dans un sommeil profond car il doit se souvenir de respirer. D'après le site Animal Planet, il est couramment accepté que les baleines ne mettent au repos que la moitié de leur cerveau quand elles dorment. Les baleines ne sont par ailleurs pas les seules à aimer adopter une position verticale pour dormir. C'est également le cas des cachalots qui ont déjà été observés en train de se reposer avec la queue vers le bas. Là, c'est le contraire. La queue est plutôt vers le haut. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Alors, voici sa plus simple expression. Sa plus simple expression avec moi. Avec c'est moi. Moi, Stéphanie Paradis. Moi. Oh, écoute, sa plus simple expression, j'essaie de démystifier un peu d'où viennent ces expressions qu'on utilise, mais qui pourtant, si on y pense un peu plus, mais c'est quoi le sens de tout ça? Donc, WTF, comme on dit, tu sais. C'est ça. J'ai quand même exploré diverses thématiques. On est allé voir un peu les animaux, hein, les parties du corps. On a même eu un spécial chat. On a eu la nourriture. On a eu les couleurs. Et là, aujourd'hui, Mathieu, je te propose un spécial canal vie. Donc, Renault, déco, mode, maternité, ce genre de trucs-là. Okay. Ils font tout à canal vie, hein? Mais moi, je me trouve très drôle, hein, parce que j'avais écrit ça... printemps dernier, que j'avais séparé un peu en thématique. J'ai dit, oh, spécial canal vie, j'avais oublié ça. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça va nous remonter le moral aujourd'hui. Et avec c'est les gars qu'on se fait d'enceinte sans savoir, puis tout ça sans ouais, savoir. Ouais, c'est ça. Ça fit avec le décor. Et oui, en effet, se terne un peu pour nous aujourd'hui. Donc, hein, remontons-nous le moral. C'est ça. Donc, Renault déco, mois de maternité. Ouais. Donc, mais c'est pas tellement nécessairement le sens de l'expression. Mais moi, je pense que tu pourrais nous trouver quelque chose d'éco, réno, mode, maternité derrière le sens de ces expressions-là. Derrière chacune de ces expressions-là, il faut que je sente ça sur tout ce qui est canal vie. C'est ça. Bon. Canal vie. Vendu. Donc, on va commencer avec devoir une fière chandelle. Ouais, ben une fière chandelle, c'est une chandelle qui est vraiment... Ça, elle a la flamme bien raide dans les airs, tu sais, elle a la flamme solide. Puis c'est comme... c'est sûrement... par rapport à quand ça te fond. Là. Tu sais, est-ce que tu as vu à Canal Vie, on m'a raconté que tu pouvais te faire fondre une chandelle sur le corps, puis ça avait comme brûlé la... Quelqu'un s'est fait brûler ça. Il y a une émission à Canal Vie, je pense que j'ai entendu parler de ça. Non, c'était pas à Canal Vie. C'était à... Probablement moins compagnie. Moins compagnie? Ah, c'est la même affaire. Viens pas me dire que c'est différent. Oui, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Raconte-moi ça. Il y en a un qu'il faut que tu... C'est pas le même forfait télé. Ils sont pas dans le même bouquet de chaînes. Je pense que non, ils sont pas dans le même forfait. D'accord. Mais bref, ça me rappelle une mission, peu importe à ces chaînes-là, où quelqu'un se faisait fondre une chandelle sur le corps. C'était pas une chandelle, c'était un gros teddy bear, un gros nounours en gélatine. En gélatine, jelly bean. Parce que c'est du sucre. C'est incroyable. Puis du sucre, là... Faut pas faire fondre ça sur nos corps. Troisième degré, genre, je sais pas trop, deuxième, mais en tout cas, une grosse... Trop de degrés. Mais non, devoir une fière chandelle, c'est avoir une grande dette de reconnaissance envers quelqu'un. Donc, par exemple, si quelqu'un vous sauve de la noyade, ben, tu lui dois une fière chandelle. Ou vous sauve d'écouter un CD de Daniel Desnoyers. Il y a ça aussi. OK, parce que c'est une joke de noyer. Mais c'est parce que... Je trouvais que tu étais quasiment dans la même lignée du gag du site français qui était « Ou si quelqu'un vous empêche par tous les moyens d'aller assister à un exposé philosophique de Jean-Claude Van Damme. Hey, » ça a vraiment comme... je préfère la mienne et de loin. Hein. Ben, c'est parce que c'est pas la même référence. Bon, mais il n'y a même pas de rime avec Jean-Claude Van Damme, ça n'a même pas rapport avec la noyade. Non, je sais. Okay. C'était juste une pin contre Jean-Claude Van Damme. C'est un peu gratuit, je trouve. Bref... Dans l'expression « devoir une fière chandelle », »,« fière » a le sens de « grand, fort ou remarquable ». Donc, quant à la chandelle, elle vient du cierge qu'il fallait autrefois obligatoirement aller faire brûler à l'église en témoignage de reconnaissance. Donc, tu étais obligé d'aller faire brûler une chandelle en signe de reconnaissance. Donc, à la fin du 18e siècle... il doit une fière chandelle à Dieu, voulait dire il a échappé à un grand péril. Ah, mm-hmm. Ben tu vois, moi, ça me donne envie de dire bonjour à l'animateur de Rock Révélé l'été, Serge Nadeau. Serge Nadeau. Ensuite, être dans de beaux draps. Dans de beaux... Ben ça, c'est quand t'achètes des doigts soyeux. Tu sais, ceux qui sont en soie, apparemment, c'est les meilleurs draps dans lesquels dormir. Fait que là, ben, t'es en pleine relation sexuelle. Puis là, fouic, tu tombes à terre. T'es dans le beau drap, là. Ils sont beaux, tes draps, mais ça fait mal, ça. Hein? OK. Ouais. Fait que là, ton émission portait sur la déco ou sur la santé? Il y a une émission à Canal Vie et moi et compagnie. Là, ça a tout le temps rapport avec les gaffes de monde qui s'en vont à l'urgence à cause du sexe. Fait que je pense que ça va être pas mal tout le temps, ça. OK. Donc, en fait, c'est être dans une très mauvaise situation ou être dans une position désagréable ou dangereuse. Donc, cette expression est ce qu'on appelle une antiphrase, comme quand on dit « nous voilà beaux » ou « nous voilà propres » pour dire la même chose. Okay. Donc, il y a une petite évolution dans cette expression et de son sens. Donc, toujours au 18e siècle, qui est selon moi le plus difficile à calculer en chiffres romains. Trop de lettres. Donc, elle se disait « être dans de beaux draps blancs » pour dire « être montré avec tous ses défauts ». OK? Ce qui n'est pas une situation agréable. Parce que depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, les draps désignaient tout simplement les vêtements. Donc, si le blanc est bien, ou peut-être aujourd'hui un symbole de propreté, de pureté, d'innocence, les habits blancs ont longtemps servi à vêtir les gens qui avaient commis certaines fautes. Donc, celui, par exemple, qui avait commis le péché d'adultère devait, comme pénitence, assister à la messe entièrement vêtu de blanc. Juste assister à la messe, déjà, punition number one. Mais à l'époque, c'était pas vraiment une punition. Okay. Donc, être habillé de blanc, c'était une punition parce que tout le monde voyait que tu avais commis un péché. C'est comme le chapeau d'âne, genre de l'époque. C'est quoi ça? Le chapeau d'âne, là, tu sais, quand... Non? Il n'y a pas ce référent-là? Quand un élève était mauvais, tu mettais le chapeau d'âne, là. C'est peut-être trop vieux pour toi, ça. Ouais, peut-être. Bref. J'ai juste eu 27 ans. Oh, non, je trouve ça gros, finalement, 27 ans. Je suis sûre que j'aurais pas dit ça. Sinon, aussi, on peut peut-être se rappeler de Jésus, OK, qu'Hérode avait renvoyé devant Ponce Pilate après l'avoir habillé de blanc. Donc, on a beaucoup la signification des vêtements blancs pour la pénitence. Donc, autrement dit, les gens qui devaient se vêtir de blanc étaient en général dans une situation peu enviable. Mmh. Parce qu'on s'entend, c'est malaisant. Sinon, cet ancien usage du vêtement blanc, il dit aussi du linceul, donc sorte de drap blanc dans lequel on ne se trouve que si on est dans une situation très, très fâcheuse, hein, c'est-à-dire mort. Donc, peut expliquer la gravité derrière cette expression-là. C'est bon. C'est quand t'es mort. T'es dans le beau drap. T'es dans une situation assez fâcheuse. Ensuite, vendre la mèche. Moi, la mèche, moi, ça me rappelle... tu sais, mettons les émissions à Canal Vie, là. C'est tout le temps avec des coupes. Tu sais, les émissions de rénovation, ils t'offrent de refaire ta chambre, refaire ta cuisine. C'est tout le temps des coupes. C'est rarement un célibataire. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé un célibataire qui couche avec l'animatrice? T'sais? Mettons, tu sais. Vend de la mèche, tu sais, comme. Ça vend la mèche pour essayer d'avoir. D'avoir soudoyer un petit peu ses faveurs pour avoir un meilleur budget pour ta construction. T'sais. Mettons Isabelle Racicot. As-tu couché avec un de ses clients dans cette mission-là? C'est ça que je veux savoir, moi. C'est ce genre de mèche-là que j'aimerais qu'on me vende. Tu comprends-tu? OK, mais t'expliques pas en tout le sens de l'expression. Non, c'est juste que je trouve Isabelle Racicot belle. C'est petit message que je passe comme ça. Donc, vendre la mèche, c'est trahir un secret. C'est ça, trahir le secret de la fille qui a couché avec la Un complot. Clairement. OK. Ouais. Donc, la mèche qui nous occupe cette fois n'est pas celle de cheveux. Hein? Donc, on avait la mèche de cheveux. Mais c'est plutôt celle qui servait autrefois à faire un brin de lumière, donc à l'aide d'une lampe à l'huile. Donc, celle qui permettait aux artificiers de faire exploser des mines ou etc., etc. Donc, pour comprendre l'origine de cette expression, il faut remonter au 16e siècle lorsqu'on utilisait l'expression « éventer » ou « découvrir la mèche ». Donc, lorsqu'un artificier éventait, donc exposé à l'air, ou découvrait la mèche d'une mine ou d'un engin explosif ennemi, il permettait d'en éviter les dégâts. Donc, le verbe « éventer » a d'abord eu la signification « exposé au vent, à l'air », puis celui « débruiter », de « divulguer », avant de prendre enfin celui de « trouver » et de « découvrir », parce que quand on éventait la mèche, on divulguait l'emplacement de l'engin explosif. Donc, par métaphore, éventer la mèche est devenu découvrir les dessous d'un complot, tout simplement. Hmm. Intéressant, non? Oui, c'est bien. Ensuite, ça fait un bail. Ça fait un bail. C'est sûrement le titre. Ça aurait pu être sur la chaîne Casa, ça aussi. Sur Casa, je pense, ou peu importe une de ces chaînes-là. En effet, ça fait un bail. C'est leur nouvelle émission cet automne. Puis ça va être animé par Dominique Michel. Puis ça va s'appeler « Ça fait un bail-bail ». Mais ça va être deux fois le mot bail comme dans. Mais ça va être son dernier show de TV. À chaque semaine, ça va être. C'était ma dernière émission de Ça fait un bail bail. Désolé, au revoir. Ça va être juste ça. Ça va être juste un générique, en fait, pendant de demi-heure. Oh, génial. Donc, en fait, ça fait un bail, ça veut dire tout simplement ça fait très longtemps. Donc, ceux qui louent un logement, par exemple, savent parfaitement ce qu'est un bail. Dans un bail, ça dit, en fait, le grand Robert dit que c'est un contrat pour lequel l'une des parties, le bailleur, s'oblige à faire profiter l'autre, le locataire, d'une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix, le loyer, que celle-ci s'oblige de lui payer. Pareil comme Dominique Michel. Oui. Tu te l'achètes à chaque fois. C'est oui. Tu payes. Pas le choix, c'est donc, en fait, c'est le certain temps qui est intéressant dans cette définition-là. Car si les baux de logement sont de relativement courte durée, certains peuvent être très longs. Donc, comme les baux emphytéotiques. Donc, c'est plus de ceux-là dont on parle, qui peuvent durer entre 18 et 99 ans. Hein? Donc, c'est ça, quand on parle, ça fait un bail. On parle de ces baux-là. Donc, un bail emphytéotique, ou on peut aussi appeler emphytéose, c'est plus comme ça qu'on l'appelle au Québec. C'est un bail immobilier de très longue durée qui peut même atteindre 999 ans dans certains États, comme le Kenya ou le Zimbabwe. OK? Donc, si on regarde au Québec, en droit civil québécois, le terme emphytéose s'est substitué à bail emphytéotique. Considérant que le terme bail se rapporte au louage, dont se distingue l'emphytéose, qui est en fait une forme démembrée de la propriété. Par exemple, aujourd'hui, on va l'utiliser pour l'aménagement d'édifices au-dessus des bouches de métro à Montréal. Donc, ce sont des emphytéoses. Voilà. Génial. Moi, c'est comme quand je vais sur eBay, là. Tu sais, je vois des affaires à manger, puis là, ça fait un bail now. Se serrer la ceinture. Ouais, justement, faut que je me serre la ceinture pour pouvoir. Faut que je me desserre la ceinture pour acheter de la bouffe sur eBay. Mais l'expression en tant que telle, se serrer la ceinture, ça veut dire c'est quand tu as tellement desserré ta ceinture qu'il faut que tu ailles la serrer. Fait que t'as serré ta ceinture. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un mélange d'émissions de décoration. D'amaigrissement et de rangement. C'est ça. Donc, en fait, trois choses qu'on retrouve à Canal Vie. C'est l'émission de prise de poids qui joue la nuit, en fait. De prise de poids? Ouais, c'est nouveau. C'est OK, se slacker la ceinture. C'est ça, c'est tellement rare. Mais ici, on parle plutôt se serrer la ceinture, donc se priver de nourriture ou se passer tout simplement de quelque chose. Donc, la date d'apparition de cette expression ne semble pas vraiment connue. Donc, il n'y a pas vraiment de version ancienne dans le dictionnaire de l'Académie française. Pourtant, le mot « ceinture » existe depuis le 12e siècle, donc c'est quand même assez ancien, avec le sens de bande de matière souple destinée à serrer la taille et, accessoirement, à maintenir un vêtement. Maintenant, comprendre l'origine des sens métaphoriques de l'expression est très simple. Donc, regardez à quel trou vous serrez votre ceinture. Arrête de manger pendant une semaine, puis tu vas voir qu'il va falloir que tu serres ta ceinture. Donc, de là est issu le premier sens proposé, donc qui est la privation qui n'est pas volontaire, donc que ce soit par cause de pauvreté en général, ou une situation dans laquelle la nourriture n'est plus accessible, par exemple dans un désert. Donc, c'est simplement par extension du sens initial qu'on a proposé cette expression-là, se serrer la ceinture. Wow. Et finalement, on va y aller avec « Se crêper le chignon ». C'est la nouvelle émission d'émission, hein? C'est la nouvelle émission de déjeuner à Canal Vie. C'est animé par Ricardo, mais son frère, Stefano Fajita, mais il y a un frère, hein, qui s'appelle Stefano Crepita. Crepita? Crepita. Fait qu'il te fait des recettes avec des crêpes et des pitas. Ah! C'est pas pire. Je crois que c'est à Rimouski, il y a un resto qui s'appelle le Crêpe Chignon. C'est parfait, ça aussi. Puis c'est excellent. Mais bref, se crêper le chignon, c'est se battre, se disputer violemment, mais entre femmes. Oh, du bitchage! Donc, l'étymologie du mot chignon est intéressante parce qu'on dit c'était chignon ou aussi chignon, OK? Là, je prononce comme ça semble se prononcer, au 12e siècle, qui désigne la nuque. Donc, le mot est issu du bas latin catenio, lui-même venu de catena, qui signifie chaîne. Donc, ça remonte à très, très loin, cette étymologie-là. Donc, pourquoi la nuque en partant d'une chaîne? Deux hypothèses sont évoquées. D'abord, le fait que la nuque soit vue comme une chaîne de vertèbres. Okay. Ensuite, on avait par métonymie à cause de la chaîne passée au cou du prisonnier. Donc, c'est par croisement avec tignon, qui désignait une masse de cheveux relevée sur la nuque, que le sens actuel serait apparu au 19e siècle. Non, 18, 5, 7, 18. Dans dizaines. Au 18e. Donc, cette expression n'est utilisée que pour désigner une dispute ou une bagarre entre femmes, si bien parce que ce sont les seuls en Occident qui portent une chevelure relevée, regroupée derrière la tête, donc le chignon qu'on appelle aujourd'hui. Parce que sinon, en Asie, je pense qu'on c'est un peu plus commun, peut-être, les hommes avec les cheveux longs et des chignons. Ouais. Donc là, on parle plutôt en Occident, donc on parle autant de l'Europe que de l'Amérique. Et lorsque c'est les gentes-dames se bagarrent, si jamais elles s'attrapent par les cheveux, eh bien, leur chignon complètement explosé ne ressemble plus à rien. Donc, ça va aussi avec l'explication du mot « crêpage ». Donc là, malheureusement, on ne parle pas de crêpes qui se mangent dans la bouche, mais on parle plutôt du sens de gonfler les cheveux en repoussant une partie de chaque mèche avec le peigne ou la brosse de manière à les faire gonfler. Donc, les inventeurs de l'expression ont dû considérer qu'à l'issue de la bagarre, lorsque les femmes se crêpaient le chignon, donc entre guillemets, les cheveux étaient complètement ébouriffés. Donc, c'était comme une tentative de crêpage très peu réussie. Donc, il y a toute une grande image derrière ça. Hey, on en apprend des affaires, matin. Voilà, encore. C'est tout. Magnifique, c'est tous les mardis qu'on fait sa plus simple expression à 9h. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Propos folle avec la pièce, c'est Commando. On écoute. On s'est fou. Tropophone et Commando à Assemblage Rock. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On se transporte vers l'Iran. Eh bien, des chirurgiens retirent une ampoule coincée dans le vagin d'une femme. Eh bien oui, depuis quelques jours, une vidéo montrant des chirurgiens en train de retirer une ampoule coincée dans le vagin d'une femme circule sur le web. Les images ont été tournées clandestinement dans un bloc opératoire d'un hôpital iranien. Face à cette opération pour le moins insolite, un des chirurgiens a saisi son téléphone portable pour immortaliser la scène. Il aura fallu à peine 2 minutes à l'équipe médicale pour retirer l'ampoule de 100 watts. Allez voir les images de cette dame qui en était pas une, hein? Ben non, mais gars, on peut s'amuser, il n'y a pas de problème, sauf que, hein? Sinon, on peut se promener ici dans le top 15 des objets insolites retrouvés dans votre corps. Je dirais peut-être que ça vous a piqué dans les fesses puis vous êtes gratté avec quelque chose. Ça serait possible? On s'envoie ce top immédiatement, vous le savez. On aime l'insolite ici au Dîner de con et nous avons décidé de vous présenter le top 15 objets, des objets retrouvés dans votre... Hein? On y va, donc l'ampoule, une ampoule, tout à fait. On a déjà retrouvé, et tout ce que je dis là, il y a des photos rayon X à l'appui. Vous avez qu'à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de con. Hein? On a déjà retrouvé une poupée Barbie dans le rectum de quelqu'un. Oui. On a déjà... Celle-là est assez hot, un fouet batteur, tu sais, un... Une petite mixette là, pour faire, je sais pas moi, de la crème fouettée. Eh bien, on a retrouvé le fouet dans les fesses de la personne. On a déjà aussi retrouvé une bouteille de bière, pas tellement surpris. Même pas tellement surpris, aussi une bouteille de coca, des câbles électriques, pourquoi pas, avec la fiche puis toute la prise, là, pas de problème. Celle-là est assez extraordinaire. Quelqu'un s'est déjà rentré une cassette audio, tu sais, une petite cassette comme dans le temps, là. Vraiment, hein, c'est ça. Une clé. Ben, une clé, c'est comme, ça devait vraiment juste y piquer, puis, whoop! Elle est rentrée, je l'ai perdue, j'ai perdu mes clés. Maudit, pas chanceux. Une fourchette, me semble, c'est piquant, ça, hein. Un petit gobelet, comme un petit verre, là, de plastique, pourquoi pas. Une paire de lunettes aussi, retrouvées dans des fesses, hein. Ben oui. Un verre, comme tantôt, un gobelet, on l'a dit. Il y a quelqu'un... s'est mis une salière ou une poivrière. Là, on peut pas vraiment savoir avec la radiographie, mais quand même, poivre ou sel, c'est à vous de choisir. Hein? Effectivement, on a déjà retrouvé des téléphones portables dans des fesses aussi. Eh bien, oui. Et un thermomètre. Thermomètre rectal, oui, ça arrive. Hein? Ça arrive qu'on s'est tous déjà fait prendre la température là. Pas que c'est le fun, mais ça arrive. Mais oups, lui, il l'a échappé puis il est rentré aussi creux que ça. Un maudit pas chanceux, ça, c'est vraiment mal pris. Hein? C'est hallucinant. Et allez voir les images de la femme en Irak. Parce que l'autre, c'est juste les... Aïe, aïe. Je t'excuse, là. Je suis un peu bouche bée avec tout ça. Parce qu'au début, on voit seulement la dame, les rayons X. Tous ceux que je viens de vous dire, là, c'est des rayons X. Mais là, l'histoire de l'ampoule, là, eh bien, on voit toute l'opération, mes amis. C'est à voir ou pas. Homme sensible, peut-être s'abstenir. Moi, c'est pas le genre d'affaire qui me dérange. Il y a des trucs qui sont pas mal plus graves, comme cette prochaine nouvelle. Eh bien oui, vous avez compris. Mais attends un peu, je reviens avec... Mais pourquoi? En tout cas, on va laisser passer les choses introduites. Mais oui, il y a des choses beaucoup pires que ça, parce que ça, c'est des gens qui se sont fait eux avec eux-mêmes. Hein? Il y a pas, tu sais, il y a personne impliqué. Sauf que celle-là ici, un homme tue sa mère à coups de marteau. Déjà, tu vois, il y a déjà un problème mental, ça c'est clair. L'autre bout du titre, il perd sa virginité en violant le cadavre de la maman. Il s'appelle Kevin Davis et il a 18 ans. Il vient d'être condamné à 99 ans de prison par un tribunal du Texas pour le meurtre et le viol du cadavre de sa mère. Des fois, la justice, je suis pas sûr. Mais là, je pense que le tribunal du Texas a sûrement fait la bonne chose, même si le jeune a juste 18 ans. Je pense que c'est de la graine de vilain, hein? Lors de son procès, le jeune homme a admis être un personnage abominable. Le 27 mars dernier, il aurait tué sa mère. Il l'a avoué. Kimberly Hill, 50 ans. Il a d'abord tenté de l'étrangler avec une corde, mais comme elle se débattait, il s'est emparé d'un marteau et il a fracassé le crâne. Pourquoi pas? Il a ensuite attendu le retour de sa sœur dans le but de lui faire subir le même sort. Mais comme celle-ci n'y arrivait jamais, il s'est finalement rendu à la police pour se dénoncer. À la question du juge « Pourquoi avez-vous agi ainsi? » Eh bien, le meurtrier a expliqué qu'il n'y avait aucune raison. Il dit « Je suis un personnage abominable, je n'aime pas les gens et je recommencerai si j'en avais l'occasion. » Bien, c'est sûr que si quelqu'un dit ça, pas beaucoup de chance hein, de sortir après. Sauf que, en tout cas... Moi, je pense qu'il est arrivé, c'est qu'il attendait sa sœur pour y faire subir le même sort, mais là, c'était long, fait que faire perdre le... passer son temps, bien, il a décidé de perdre sa virginité avec le cadavre de sa mère. Vraiment une nouvelle charmante aujourd'hui, hein? On va aller vers quelque chose de beaucoup plus génial. N'importe quoi est plus génial, hein? Une claque d'en face, puis un coup de pied dans les couilles, c'est plus génial que ce que le gars a fait, là, ça c'est sûr. Mais mettons de quelque chose de vraiment plus intéressant. C'est Sarah X qui bouge ses seins au rythme de Mozart. Eh oui, Sarah X. Mills, c'est une mannequin originaire de Virginie aux États-Unis. Elle est dotée d'un talent hors du commun et vraiment, je suis allé voir, je me suis commis, j'ai fait ça pour vous. Hein? Eh bien, Sarah X est capable de bouger ses seins au rythme de n'importe quelle musique dans la vidéo qu'elle a postée sur son compte Facebook. La jeune femme nous fait une démonstration de son talent et de ses deux gros talents sur une musique de Mozart, une petite musique de nuit. Ce qui est particulier, c'est que tu te demandes, mais comment elle fait? Tu sais, il y a des gens qui bougent leur oreille et que ça bouge un peu, c'est correct. Il y a des gens qui réussissent à bouger des parties de leur corps qui sont assez particulières. Mais elle, ça lève de 6 pouces quasiment ses seins. C'est à savoir si elle n'est pas... en tout cas, comment elle est constituée véritablement. Parce que c'est vraiment sympathique. On va juste aller voir, est-ce qu'on entend quelque chose? Et là, ce qu'elle fait, dans le fond, elle fait un peu les mouvements du chef d'orchestre, mais au lieu de le faire avec ses mains, elle le fait avec ses seins. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune nudité là-dedans. La dame est en brassière, oui, sexy, on peut le dire. Charmante jeune femme, allez voir. C'est surtout à voir, hein? Plus qu'à entendre, parce que là, vous l'entendez, puis pourtant, vous n'avez aucune idée de ce que je regarde. Mais rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de con, c'est facile. Sarah X qui bouge ses seins au rythme de la musique. Et tiens, reste tant qu'à être dans les seins, hein, on va se faire... Tiens, on va passer ça parce que, tu sais, moi, j'aime pas ça, là. Checker ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est un petit concours vrai sein contre faux sein. En plus, on teste. Il y a un côté technologique là-dedans. Il y a un côté, bien sûr, très scientifique. Et il y a un côté... Parce que là, on teste vrai sein contre faux sein. On voit déjà que c'est très scientifique. Et le test en slow motion avec l'iPhone 6, parce qu'on a des images en vidéo tournées à 280 frames par seconde. Donc, deux actrices porno se sont amusées à tester les capacités de la fonction slow motion de l'iPhone 6 en comparant donc des vrais seins avec des faux seins. Filmées en 240 frames par seconde, elles ont réalisé plusieurs mouvements afin de faire rebondir leurs attraits. Hein? Alors, allez voir la vidéo. Préférez-vous les vrais, les fins, préférez-vous les vrais ou les faux? Eh bien, allez voir, à vous de décider, hein? C'est pas moi qui va décider pour vous, mais juste vous dire, les vrais seins, ça bouge pas mal, mais pas mal plus, ça en est presque hypnotique et dérangeant. Restons dans le même domaine, mais pas pantoute en même temps, mais quand même, le domaine coquin, mais on va aller du domaine coquin pour les animaux. Un Tinder pour chats, on apprend que ça existe. Après la version humaine de l'application de rencontre Tinder, voici donc une version pour félins qui vient de voir le jour. On est tellement surpris, hein? Parce que sans les chats, je pense qu'Internet tombe. La fascination de l'homme pour son chat n'a toujours pas trouvé sa limite, hein? On le sait. Vous pouvez désormais organiser à votre animal des rencontres avec d'autres chats grâce à l'application TagCat. Une excellente nouvelle pour A.G. Dixon du site The Daily Dot. Il dit « C'est un rêve devenu réalité pour les fous de chats comme moi, qui auront désormais un nouveau public avec qui ils pourront partager leurs photos favorites de Mademoiselle Fossette, de Minet ou autre, demandant des caresses sur le ventre ou de Président Miaou en train de torturer des criquets. » C'est très français, hein, comme tournure de phrase. Sur le fond, eh bien, Tag 4 ressemble à bien d'autres applications. Donc, une inscription, la création d'un profil, l'ajout de photos et de contacts, un système de géolocalisation pour trouver d'autres chats à proximité et les inévitables likes. Mais l'application va plus loin. Vous pouvez aussi chercher des photos de chats par émotion, comme triste, énervé, enjoué, surpris, c'est ridicule. Mais pas question pour autant de laisser votre chat prendre en main ses rencontres amicales ou amoureuses, car plus qu'une application pour les chats, Tag 4 est avant tout destiné aux amoureux des chats. Et ils sont nombreux, puisque, comme le rapportent plusieurs journaux, 20% des photos publiées en ligne seraient dominées par les photos d'animaux de compagnie. C'est ce que je disais tantôt, Internet tombe s'il n'y a plus de chats, hein? En juillet dernier, Owen Mundy, professeur d'art à l'Université d'État de la Floride, eh bien, publiait une carte mondiale des chats à partir de photos postées sur les réseaux sociaux. Le créateur a reçu d'ailleurs de nombreuses demandes de aux propriétaires pour qu'on ajoute les photos de leurs petits minous sur la carte. Tag 4 a donc de bonnes chances de séduire les propriétaires de chats comme les fous et les investisseurs. Histoire d'amour entre Internet et les chats, semble-t-il, ne fait que commencer. En tout cas, ça, comme ils disent au début, ça n'a toujours pas de limite en ce moment, l'amour des chats. Je pense que si on voudrait si on veut faire passer un message, je pense aujourd'hui, mondialement, autant contre les réchauffements climatiques ou contre justement l'abus des trop grandes compagnies qui font des trop gros profits au profit justement du petit peuple, eh bien, vous avez juste à entrer des chats là-dedans, dire que les chats vont mourir s'il y a un réchauffement climatique ou que plus personne va pouvoir payer leur nourriture aux chats. Puis je pense que tout le monde va vouloir embarquer, vont descendre dans la rue, vont vouloir faire changer les présidents, faire changer les premiers ministres. On a juste à mettre des chats dans l'histoire, puis je pense que tout va se régler. Hein? Vraiment. Wow! On s'en fait encore, on se fait ici Red Bull qui donne des ailes. Eh bien non, hein? Red Bull est condamné à reconnaître que sa boisson ne donne pas d'ailes. Après une plainte aux États-Unis, on est tellement surpris que ça se passe aux États-Unis, ce genre de procès. Hein? Accusé de publicité mensongère, la société Red Bull a été forcée de reconnaître que sa boisson ne donne pas d'elle. Comme vous le savez sans doute, aux États-Unis, on recourt à la justice comme on respire ou presque. Hein? C'est ridicule. Donc, le producteur autrichien de boissons énergisantes Red Bull vient d'accepter un arrangement d'un montant de 13 millions de dollars avec des plaignants américains qui lui reprochaient un marketing mensonger avec son slogan « Red Bull vous donne des ailes ». Moi, ce que j'aurais fait à être la cour, c'est j'aurais dit aux plaignants « Vous êtes accusés d'être des malades mentales. C'est une compagnie. Ils n'ont jamais dit que ça donnait des ailes. Là, ils n'ont jamais cru que les ailes nous pousseraient dans le dos. Faut vraiment être imbécile puis faut vraiment juste être à l'argent, puis on est rendu là. Cet arrangement permet à Red Bull de mettre un terme à des plaintes en nom collectif aux États-Unis où des consommateurs reprochent à la boisson de ne pas donner d'ailes, contrairement à ce qu'elle affirme dans son célèbre slogan. Mais je peux même pas... J'ai de la misère à lire l'article tellement faut être imbécile pour penser comme ça. Décliné dans toutes les campagnes publicitaires de Red Bull depuis des années. Tout est parti d'un groupe de consommateurs américains expliquant qu'ils ont été trompés quant aux propriétés de la boisson, notamment le slogan « Red Bull donne des ailes ». Les plaignants n'ont bien sûr pas réellement espéré voir des ailes leur pousser dans le dos, mais ils estiment que la marque trompe le consommateur quant à ses bénéfices et à sa supériorité. C'est hallucinant. Les consommateurs américains qui ont consommé des boissons énergisantes entre 2002 et octobre 2014 aux États-Unis donc peuvent se manifester jusqu'au 2 mars 2015 sur un site Internet afin d'obtenir une indemnité de 10 $ et d'un bon de 15 $ pour des produits de la marque autrichienne pour un maximum général de 13 millions de dollars. Mais allez-y, profitez, bande d'impies. Non, mais sérieux, c'est honteux. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Notre émission culinaire préférée à tous, voici Master Steph. Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Oh, je l'aime, la toune. Ah. Tu veux qu'elle continue, hein, encore? Ah, ça met de bonne humeur. Mathieu. Oui? Qu'est-ce que j'ai popoté pour vous ce matin, crois-tu? Qu'est-ce que t'as popoté, ça, je sais pas, mais qu'est-ce que t'as poté ou empoté dans le studio? Hein, t'as apporté quelque chose, hein? Oui, j'ai apporté quelque chose. Je vais te donner un indice. En fait, t'en as parlé la semaine dernière quand je t'ai demandé l'automne, ouais. Mois d'octobre, c'est la saison de quoi? Des citrouilles. Des citrouilles. Donc, c'est inévitable. Je vous ai cuisiné quelque chose avec de la citrouille. Ben oui. La semaine passée, c'était des pommes parce que c'est la saison des pommes aussi. Mais c'est la citrouille, c'est complètement approprié. Donc là, citrouille et je t'annonce ça tout de suite dans la. Est-ce que je devrais m'asseoir? Non, lève-toi. OK. Dans une citrouille, il y a vraiment beaucoup de chair. OK. Donc, ce sera pas la seule avec la citrouille. Donc, we're gonna share. On va partager sur d'autres recettes, moi, ça. C'est ça. Donc, ce sera pas la dernière à la citrouille. Parfait. Donc, je te le dis tout de suite. Ce sera le mois de la citrouille. Ou probablement, oui. Donc, aujourd'hui, je vous ai cuisiné et j'ai essayé pour vous. Ce sont des sandwichs avoine et crème à la citrouille. Oh. Wow. Donc, c'est tiré du blog Sally's Baking Addiction. Donc, si vous voulez suivre, oui, il ne faut pas oublier ça, allez tout de suite, immédiatement, right sur la page d'assemblage requis, la page Facebook, bien entendu. Mm-hmm. Dans l'album photo Master Steph, j'ai mis les photos de cette recette-là en train de devenir quelque chose. En cours de production. Et à la fin de la chronique, plus tard aujourd'hui, il y aura sur assemblagerequis.com la référence vers ça. Pour ceux qui écoutent une reprise éventuelle, ça va être sur assemblagerequis.com. Parce que sinon, exactement, si tu vas sur la page Facebook, il faut t'arriver là 6 mois, c'est introuvable. Mettons ça. Mais live, sur la, là, allez-y. Mais là, sur la page Facebook, si tu vas sur l'album photo, tu vas tomber sur les photos. Ouais, mais dans 6 mois, il faut que tu cherches toutes les recettes que tu affiches. C'est ça, mais tu n'auras pas la recette. Ben tu vas avoir les photos. Les ingrédients et la procédure. Mais justement, parlons-en des ingrédients. Je pense que c'est la première étape à faire. Hein? Bonne idée. On va commencer avec les ingrédients pour le biscuit à l'avoine. Donc, ça prend une demi-tasse de beurre non salé à température ambiante. Okay. Donc, on laisse ça traîner sur le comptoir. On le couvre pas, non? Pour qu'il soit à température plus chaude, un petit peu. Couvert. Non, t'as pas besoin de mettre une petite couverte ou des semelles chauffantes. Ensuite, ça nous prend 3/4 de tasse de cassonade foncée. On y va avec la foncée parce qu'il y a plus de mélasse à l'intérieur, donc ça a un goût plus profond. Je me suis toujours demandé ça, justement. Oui, c'est ça, c'est la mélassitude. Ensuite, ça nous prend une demi-tasse de sucre, un gros œuf, 2 cuillères à thé d'extrait de vanille, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à thé de cannelle moulue. Si tu mets un bâton, ça va moins bien mélanger. Ensuite, ça prend 1 tasse et 2 tiers d'avoine à l'ancienne et finalement, 1 tasse de farine tout usage. Mm-hmm. Donc, à date, c'est tous des trucs qu'on a déjà à la maison. Oui, les ceux qui cuisinent, évidemment. Mm-hmm. C'est ça. Ensuite, pour le glaçage citrouille et fromage à la crème, ça nous prend 4 onces ou 1/2 tasse de fromage à la crème à température de la pièce. C'est à peu près la moitié d'un paquet, okay, tout simplement. 5. Parce que moi, 4 onces, j'étais comme... Fait que il a fallu que j'essaie de faire des conversions et c'est 1/2 tasse ou la moitié d'un paquet. Ensuite, ça nous prend 2 cuillères à table de beurre non salé à température de la pièce aussi. Donc, on laisse tout traîner ça sur le comptoir. 1/4 tasse de purée de citrouille, 1 cuillère à thé de cannelle moulue. Ensuite, ça prend 1/4 cuillère à thé de gingembre moulu, 1/4 cuillère à thé de girofle moulu et 1/4 cuillère à thé de muscade moulu ou râpée. Là, si vous avez une noix, on peut la râper avec une petite râpe microplane. Sinon, moi, mes clous de girofle, je les ai moulus avec mon nouveau mortier pilon que j'ai eu à mon anniversaire parce que mon chum n'était plus capable de m'entendre dire « Ça me rendrait vraiment mortier! » Donc, mais ton pilon, tu l'appelles-tu Donald maintenant? Je pourrais être drôle. Genre. Donald ben pilon. Non, parce que c'est pas très drôle. Là. Non, pas drôle? Non, c'est un petit peu. Facile. Ouais. Mettons, comment je l'appelle poulet. Poulet. Pilon de poulet. C'est tellement pas mieux. Ensuite, ça nous prend 2 à 2 tasses et demie de sucre en poudre tamisé. 1/4 tasse de farine tout usage. Ça, c'est au besoin. Mais moi, je pense qu'on va en avoir besoin. Et finalement, du sel au goût. Pour la purée de citrouille, moi, je l'ai fait moi-même. Là. Je ne l'ai pas acheté du commerce, bien entendu. J'ai acheté une citrouille, je l'ai vendue. Fait que tu l'as pas eu longtemps, c'est ça que ça veut dire? Je l'ai vidée. Okay. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vendue. Je l'ai vidée. Tu l'envoies au four jusqu'à temps que ça soit mou et tu fais juste le blender. Blender. Ça te fait de la purée de citrouille. D'accord. C'est très facile. Donc, pour la préparation, donc la photo 1, c'était les ingrédients. Oui. Photo 2. Photo 2. Allez, là, je te dis, je te dis les photos, là. Je te dis quand changer. J'aime ça, parce que là, en plus, ça aide nos super radiospectateurs aussi. Exactement. Donc, photo... Qu'on appelle auditeurs parfois, mais moi, je dis radiospectateurs. Ça arrive. Photo 2, oui. Dans le bol d'un batteur sur socle ou à l'aide d'un batteur à main, on va battre le beurre, le sucre et la cassonade en crème. Okay. Ensuite, on ajoute l'œuf et la vanille. On continue à bien mélanger. Et ensuite, on va ajouter en brassant lentement le bicarbonate de soude, la cannelle et l'avoine. Mm-hmm. Ensuite, photo 3. Photo 3. On met la farine. Et c'est ça que ça donne. OK. Simple. Hein? Ensuite, photo 4. Photo 4. On va mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans trop mélanger. On veut juste imbiber le contenu du bol. Donc, on ne veut pas over-mélanger. On veut Justin Bieber. Justin Bieber. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on va laisser la pâte refroidir au réfrigérateur au moins une heure. Okay. Sinon, les biscuits ne vont pas gonfler si la pâte n'est pas froide. Mm. Donc, c'est super important de mettre ça au réfrigérateur. Ensuite, photo 5. Préchauffer le four à 325 Fahrenheit. 325 Fahrenheit? Oui. Ouais, certaines nuits, je le vois, là. C'est combien en Celsius, on sait pas. Mais oui, mais pour une fois, là, que ça fait trois recettes que tu me demandes de prendre le four en photo. Je le fais pour toi, puis j'ai aucun commentaire. Excuse-moi, t'as raison. Je suis tellement déçue. Félicitations pour ta prise de photo de ton four de marque Frigidaire. Il est un peu froid. C'est peut-être pour ça que j'ai la misère avec ma cuisson. C'est peut-être pas. C'est vraiment ironique, hein. C'est ça, c'est vraiment ironique. Quand tu vas vouloir vendre ton four, t'as déjà pris la photo. T'sais. Déjà, je t'ai sauvé du temps en faisant ça. Oui, mais c'est ça. Il est bloqué à 325. Mais t'aurais dû prendre une photo du four éteint, OK? Puis rajouter par Photoshop à chaque fois qu'on fait la recette, genre, t'auras pas à reprendre la photo. C'est 325, c'est 425. C'est moins long de prendre une photo que de le rajouter par Photoshop. Oh, oui. Tu le dis. Donc, préchauffer le four à 325. Placer une feuille de papier parchemin sur une plaque à biscuits. Ensuite, photo 6. Photo 6. On doit former des boules de 2 cuillères à thé environ de pâte. Des Timbits. Grosseur Timbits, ça veut dire. Ouais, à peu près Timbits, exactement. Et tu vas mettre ça sur le papier parchemin. Ensuite, photo 7. Mettre au four 9 minutes et laisser refroidir complètement. OK. Donc là, nos biscuits sont prêts. On ne touche pas, c'est marqué dans les instructions. Non, faut pas toucher, on laisse refroidir. Mmh. Parce que si tu y touches, ça va s'aplatir, ça va dégonfler. Tu peux faire une trace de main comme tu ferais sur le trottoir quand il est neuf. Je pense que oui. Ouais. Ensuite, pendant que les biscuits refroidissent, préparer le glaçage. Donc, photo 8, on va battre ensemble le fromage à la crème, beurre, la citrouille et les épices à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'on ait un mélange crémeux. Mmh. Donc, ensuite, on va ajouter de 2 à 2 tasses et demie de sucre en poudre tamisé, dépendamment du niveau de sucre qu'on veut. Donc, moi, je vous dirais d'y aller. Tu sais, je suis allée au tiers de tasse à la fois, tu goûtes. Mais c'est sûr que ça prend au moins 2 tasses, ça, sinon tu n'auras pas de glaçage vraiment. Mmh. Ensuite, photo 9, si le glaçage n'est pas assez épais, on ajoute de la farine. Donc, on avait 1/4 de tasse de farine. Et ensuite, on ajoute un peu de sel pour couper le sucre. Ça, c'est vraiment au goût, là, si on trouve que c'est trop sucré. Parce qu'on a besoin de sucre en poudre aussi pour épaissir. Mais sinon, si ça goûte juste le sucre en poudre, c'est pas nécessairement positif. Et finalement, photo 10. Étendre une généreuse quantité de glaçage sur le côté plat d'un biscuit et en faire un sandwich avec un second biscuit. Les biscuits se conservent jusqu'à 5 jours dans un contenant hermétique au réfrigérateur parce qu'il y a du fromage à la crème. Ben oui. Ah, que ça a l'air beau et bon! C'est beau, hein? Oui! Donc moi, je sais pas ce qui s'est passé avec le glaçage, là, mais même en ajoutant 3/4 de tasse de farine, ça dit 1/4 de tasse, moi, j'en ai rajouté 3/4 de tasse, moi, ça change pas trop le goût, là. J'ai rajouté aussi du sucre en poudre. C'était trop liquide. Oui, ça coule sur les côtés un petit peu, on le voit. Donc, à un moment donné, ça donne rien d'ajouter du sucre et de la farine à perpétuité parce que ça goûte de moins en moins le fromage à la crème que ce que ça devrait. Mmh. Donc, à cause des contraintes de temps, j'ai pas vraiment pu tester en ajoutant plus de fromage à la crème, par exemple. Donc, j'ai eu de la difficulté beaucoup avec l'épaisseur. Mmh. Ensuite, la couleur du glaçage n'est pas aussi vibrante que sur le bloc. Ah, OK. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a du colorant alimentaire en jeu dans les photos. C'était orange sur les photos du bloc? C'était orange. Parfait. Moi, je te dis, c'est pas orange du tout. Là. C'est vraiment un beige. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de citrouille là-dedans. Là. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais voulu mettre plus de citrouille ou... Ça aurait été beaucoup trop liquide. Okay. C'est très liquide, la purée de citrouille. Donc, ça aurait juste empiré le problème. Ça aurait juste refait le double de glaçage. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait du colorant alimentaire dans sa recette, ouais, même si elle ne dit pas pour les photos. Hein. Sinon, c'est ça, je me demande, peut-être que ma purée de citrouille maison était plus liquide que celle qu'elle a utilisée sur son blog. Donc, moi, je ne sais pas c'est quoi la purée qu'elle a utilisée. C'est pas mentionné. Donc, ça peut être plein de facteurs comme ça. Ouais, le fait que c'est de la citrouille pré-achetée en commerce, probablement pour elle, est-ce que ça pourrait avoir une différence ouais, par rapport à la vraie peut-être. Citrouille? Maintenant? On ne sait jamais. Là. Moi, j'ai jamais cuisiné avec de la citrouille en canne. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Mais, je me suis tannée hein, à faire les biscuits là, parce que c'était trop liquide, ça coulait, ça marchait pas. Donc, j'ai juste mis le glaçage dans un plat, je l'ai mis au frigo, j'ai dit, je vais juste beurrer mes biscuits quand je vais vouloir les manger. Ouais. Mais si tu mets ton glaçage au frigo, il durcit, puis il est tartinant. Donc là, on pourrait s'en faire des best sandwichs. Un spread. Donc, calmez-vous une heure sa farine, mettez votre glaçage au frigo avant de faire vos sandwichs. Ouais. Ça va être beaucoup plus facile. Sinon, contrairement à ce qui est indiqué dans la recette, moi, j'ai plutôt essayé de garnir les côtés bombés des biscuits. Ça permet d'être plus stable dans l'assiette. Et surtout, si le glaçage n'est pas très épais, ça coule encore plus. Donc, si tu le mets sur le côté, ben ça va couler vraiment beaucoup. Mm-hmm. C'est ça. Finalement, les boules, là, faut que tu roules ça dans ta main, là. J'avais quasiment des ampoules dans la main à force de rouler des petites boules. J'avais... La technique c'est Mario Party. Oui, sur le 64. C'est ça, fait que dans la force de rouler de la pâte vraiment froide, j'avais mal dans les mains. Donc, écoute, j'ai vraiment souffert pour vous hier. Oui. Sinon, je suis vraiment contente de la grosseur des biscuits. Mm-hmm. Enfin, je crois que j'ai respecté les grandeurs demandées. Ça donne vraiment des petits biscuits tout mignons. D'habitude, tu fais des grandeurs bol, je pense. Tes biscuits sont grandeurs d'un bol. C'est juste trop immense, complètement ridicule. Sinon, étant donné que c'est pour faire des sandwichs, peut-être essayer de faire un nombre pair de biscuits. Bonne idée. Ou d'en avoir un trop à manger tout seul. Hein? Oui, aussi. Hmm? Mais tu sais. C'est ça. Hein? C'est ça. Écoute, on s'en va-tu en musique avant de manger ça? Ben oui! Ça pourrait être une bonne idée. Ce que je vais vous faire entendre ce matin, très original, ça s'appelle Pumpkin Pine de Glass Random. Hey, c'est dur à dire, il y a trop de P. Pumpkin Pine. Non, Master Step. Pff. Burn the pictures after every summer. Burn the pictures like we burn each other. And every night we sing the same song. And every night we string it along. Wouldn't fight if we were always alone. We'd never fight because we'd never leave home. So all the wine can save the Master Steph qui continue après cette chanson de Pumpkin Pine par Glass Random. Le groupe, c'est Glass Random. Ouais, vers au hasard. Voilà. Ou vitre au hasard. Vitre au hasard. Ouais. Vitre sans le savoir, cet automne à Canal+. Vous êtes un Master Steph! Hey! Et je vous ai cuisiné des sandwichs avoine et crème à la citrouille. Mmh. Est-ce que tu es prêt à goûter à ça? Mais hein, je suis sûr que ça a l'air tellement bon vu de loin. Tu m'as dit que l'odeur était particulièrement percutante aussi. Mais... Tu vois que le glaçage n'est pas orange du tout, il est beige. Il est très beige et même que tu as réussi à planter une cuillère dedans tellement il est figé. La cuillère, elle tient dedans. C'est complètement ridicule. Donc, je vais immédiatement te façonner un petit sandwich. Elle fait un sandwich live et moi, je sens l'odeur de la citrouille jusqu'ici en ce moment. Ah oui, tu sens les épices et tout. Est-ce que tu veux beaucoup de glaçage? Est-ce que tu veux beaucoup de glaçage? Non, s'il te plaît, je prendrai une portion raisonnable de glaçage, Steph. Donc, je vais essayer de te tartiner ça. Merci. Comme ça. En as-tu assez? Ouais, c'est sûr qu'il y en a assez. Alors, je vais en remettre plus, là. Merci. T'es fine, Steph. Là, je vais te prendre un gros biscuit. Oui, ah, oh, aplatis-moi ça. Oh. Hein? Comment je vais faire mettre ça dans ma gueule? C'est-tu assez beau? C'est magnifique. C'est assez immense, hein? Oui, ça fait une grosse comment dire, bâtisse. On dirait presque que t'es rendu genre brique et mortier, tu sais, genre. C'est contractante. Je suis maçonne. Tu es contractante maçonne? Je vais pas faire de sandwich, je vais juste mettre du glaçage sur le biscuit. Une tartine presque de biscuit. Ouais, je vais me faire une tartine. Est-ce que t'es prêt à goûter à ça? Je n'ai jamais été aussi prêt. Alors, ça sent bon, hein? C'est pour vrai, je le sentais vraiment de loin, c'est vraiment l'odeur que je sentais. Un délicieux mélange d'épices. Ouais. Et je suis prête à goûter. Ouvre grand et vas-y. Ah ouais. Écœurant. Parfait. Ah ouais, et ils sont tendres, c'est moelleux là. C'est sucré à souhait. Mais pas trop. Non. L'avoine vient juste couper parfaitement. Tout à fait. Ouais, on goûte vraiment les petites épices, là, vraiment. Ah ouais. C'est super bon, Steph. Ouais, le fromage à la crème, là, c'est vraiment génial comme glaçage. Je vais me prendre une lichette de glaçage. Okay. T'as pas fait assez de bruit? Non, c'est vraiment bon. Ça, c'est à refaire. Ah, vraiment. C'est parfait. Ah! Ça te punch un petit peu dans le fond de la gorge comme pow! Ping-pow! Génial. Donc, on rappelle que la recette, la façon de faire ses ingrédients, la procédure, tout ça, sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook d'Assemblage Requis dans l'album photo de Master Steph. Merveilleux. Puis moi, je finis de manger. Ouais, c'est ça. Je remplissais du temps pendant ce temps-là parce qu'on doit se rendre obligatoirement à la deuxième partie de la chronique. Est-ce qu'il y en a une ce soir, aujourd'hui? Ce soir. Qu'est-ce que je fais? Mais bonsoir. Avant, je voudrais dire... que pour vrai, même les petits biscuits sans glaçage sont excellents. Oui. Si vous voulez une recette de biscuits à l'avoine classique, c'est vraiment une excellente recette. Et ce glaçage-là, là, tu peux mettre ça n'importe où. Là. Directement dans la bouche. Non, sur des muffins, des cupcakes, n'importe quoi. Je trouve que ça vaut sur tout. Tout à fait. Je suis totalement comblée. Jeu sexuel, tout va bien avec ce glaçage, Steph. Voyons. Voyons. Donc, oui, je pense qu'on va passer à l'autre étape avant que tu continues à dire des niaiseries. Donc, on va y aller avec les trucs et astuces. Oui! Trucs et astuces. Non, t'aimes pas ça? Ouais, c'est parfait. Merci. Mais il faut que tu te la fasses à un moment donné, sinon c'est comme trop. C'est juste un couplet. Tu veux pas que je fasse deux couplets, un refrain et un freestyle solo? Non. OK. Admettons, Mathieu, que t'as à éplucher un bulbe d'ail au complet. Tu sais, une gousse, ça va. Deux, ça va. Mais si tu dois... Si c'est une gousse. Comme on dit. Si tu veux éplucher ton bulbe au complet... Il y a un truc pour l'éplucher en moins de 10 secondes. Hein? Ben non, c'est pas vrai, en 10 secondes. Okay. Pas en moins de. Mais c'est facile, tu prends deux culs de poule, tu fais juste sacrer ton bulbe dedans. Puis là, les culs de poule, tu les refermes autour du bulbe. Rappelle-nous, c'est quoi un cul de poule, juste pour ceux qui sont pas au courant? Ben c'est un bol en métal. Là, parfait. À brasser de différentes grandeurs. Claire. Donc, tu mets ta tête, pas ta tête à toi, mais ta tête d'ail dans les deux culs de poule. Puis tu shake. Tu tapes. De 10 à 15 secondes. Finish him. Puis ta gousse va être épluchée au complet. Ben pas ta, les gousses vont toutes être épluchées au complet. Ben voyons. Seul. T'as même pas besoin de prendre un couteau, rien. Patatata là-haut. Tout est plus cher. Patatata. Que oui, c'est vraiment malade. Cool. Capotant. Du complètement débile. C'est jamais me tripant. OK. Ensuite, savais-tu que tu peux faire cuire tes œufs au four? Est-ce que tu fais ça des fois? Non, je me trouvais bizarre de faire cuire genre mes saucisses puis mes pains à dog dans le four. T'sais. Mais là, des œufs. Ah ouais? Ben oui, mais ça. Okay. Mais les œufs. Hein, t'as jamais pensé à faire cuire des œufs cuits durs au four? Jamais j'aurais fait ça. T'as juste à les placer sur une plaque à muffin, OK? Oui. Puis tu mets au four de 25 à 30 minutes à 325. T'as pas besoin de mettre d'eau dans le fond des moules à muffin, ni de faire cuire une douzaine d'œufs à la fois. Tu fais juste... Le nombre que tu veux, puis ça colle pas. Tu mets tes œufs cuits durs, là, tu avec la coquille, tu mets ça dans ton moule à muffin au four, tout simplement. Ben voyons donc, c'est pas trop facile, là. Génial. C'est pas de défi là-dedans. Comme ça, de cette manière, tes œufs ne peuvent pas casser. OK. Ils ont une texture moins caoutchouteuse et sont plus faciles à peler. Ah, oh, ouais. Avoue que t'as le goût d'essayer, pour là. Vrai, oui. Voilà. Sais-tu comment tu peux équeuter facilement des fraises? Des fraises, non, je sais pas. Une cerise, c'est dans la bouche, tu fais un nœud avec la cerise, avec la queue. Non, ça, c'est compliqué. C'est... Ouais. Un petit truc tout simple. Tu prends une paille et tu transperces ta fraise. Meurtre de fraise par paille. Comme ça, t'enlèves les petites feuilles, puis t'enlèves souvent le petit cœur blanc pas mangeable, ouais, quand c'est pas des fraises du Québec, là. Ouais. Donc, avec ta paille, tu fais juste transpercer ta fraise de haut en bas, et voilà. Comme si c'était un zombie, non pas un zombie, un vampire. Un vampire avec ton pieu en plastique exact. De paille. Ensuite, pour hacher des herbes ou de l'ail, avant de hacher tes herbes, ou ton ail, comme je viens de le dire, tu vas saupoudrer un peu de sel sur la planche. Mmh. Comme ça, les herbes et les petits morceaux d'ail vont rester bien en place. Hein? Ils vont moins voler partout. Et le sel aide aussi ça fait une genre de friction, fait que ça va être beaucoup plus facile à hacher. Ça reste beaucoup plus en place. Fascinant. Fait que tu mets du sel, pas tes cils. Des cils, ça. Non, si tu mets ta face, là, je dirais que c'est à la planche, tu vas te couper à la face. Okay. C'est bien que tes poches. Et finalement, si tu veux sauver tes fines herbes. Tu sais, si t'as des fines herbes, des fois, t'en as besoin pour une recette. Puis là, il m'en reste plein. Je suis sur le bord des perles, mais j'ai rien à faire pour les utiliser présentement. C'est facile, tu les mets dans des bacs à glaçons. Tu vas recouvrir d'huile d'olive. D'huile d'olive ou autre huile, mais moi, je conseille fortement l'huile d'olive. Mmh. Et tu mets ça à congeler. Ensuite, t'as juste à le sortir du bac une fois que c'est congelé. Tu mets ça dans un gros Ziploc au congélateur. Et ensuite, t'as juste à prendre un glaçon aromatisé pour faire chauffer dans une poêle au lieu d'utiliser l'huile directement de la bouteille. Donc, c'est une excellente façon d'ajouter du goût aux recettes. Les cubes, ça se garde un an au réfrigérateur, donc t'as pas perdu tes fines herbes. Oui, et t'as déjà de l'huile aromatisée, donc tu fais une pierre 8 coups. Non, mais c'est donc bien simple tout ça, c'est pas tellement pire, hein? Évident à retenir. Et si vous avez manqué un détail, évidemment, les balado-diffusions sont sur assemblagerequis.com. Oui. C'est super simple. Merci Steph. Ça fait plaisir. Une autre chronique Master Steph est dans la boîte. J'ai plein de biscuits si vous en voulez. T'en veux-tu un autre? Oui, je vais finir celui-là, mais oui, après, ouais, c'est ça. C'est ça. Le studio de C'est fou, juste à côté de la chaise-galerie. Ouais. Nous en reste un petit peu. On fait Master Steph tous les mercredis à 9h. Et surveillez la semaine prochaine, on va encore utiliser la citrouille, mais d'une autre manière. Eh oui, ça n'arrêtera pas. Jamais. Jusqu'à minuit où la citrouille se transforme en... Non, c'est le contraire. En carrosse. En carrosse, c'est ça. Oui, la citrouille se transforme en carrosse. À minuit. Où on va aller magasiner pour d'autres affaires parce qu'on va avoir un carrosse dorénavant. T'sais. Parfait, ça. C'est ça. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Trois fois, je pense. On dit merci. C'est ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je le sais, vous et moi, on a souvent écouté des films français, ou en tout cas au moins des traductions françaises, ou en tout cas au moins quand vous étiez jeune. Donc, vous allez la plupart connaître les expressions dont je vous parle ici. C'est le top 10 des expressions peut-être un peu grivoises, peut-être pas très classe, mais françaises, expliquées pour vous. On commence tout de suite avec ce top 10. On commence avec l'expression « se peler le jonc ». hein, se peler le jonc. Cette expression argotique est popularisée pendant la Première Guerre mondiale et nous vient d'une simple constatation. Lorsqu'il fait très froid, on pèle. On rajoute « jonc » parce qu'une expression où on parle pas de bite, c'est quand même beaucoup moins marrant. Donc, on pèle, se peler le jonc, il fait froid, c'est ce que ça veut dire et ça a été inventé durant la Deuxième Guerre mondiale. Avoir le cul bordé de nouilles. On le sait, ça, c'est comme avoir trop de chance, je pense, hein, être chanceux. Il est connu que dans certains milieux masculins où les relations de pouvoir sont fortes, comme chez les prisonniers par exemple, les personnes acceptant de se prêter à des relations homosexuelles en tirent de nombreux avantages assimilés par d'autres à une certaine chance et par la réussite. Mais de telles mœurs pratiquées sans modération peuvent aussi avoir tendance à provoquer des hémorroïdes qui ressemblent à des nouilles. Personne ne sait s'il y a un réel fondement à cette version, mais compte tenu du flou qui entoure l'origine de cette expression, il est impossible de la passer sous silence. Avoir le cul bordé de nouilles. Sinon, coûter la peau des couilles, hein, on dit ça, ça m'a coûté la peau des couilles. Ce que l'on peut dire à coup sûr, c'est qu'au 19e siècle, Alphonse Allais utilisait simplement « coûter la peau », ok, avec le, dans le même sens, prouvant ainsi qu'à cette époque, toute la peau et pas seulement celle de certaines parties du corps avait de l'importance. Ce qui se comprend est que la première attestation de la version avec les testicules ne daterait que de 1976, même s'il est probable qu'elle ait été utilisée avant. Hein? Donc, ça coûte la peau des couilles, ça veut dire que ça coûte cher. Hein? Chier une pendule. Et je l'aime, ça. Chier une pendule. D'après moi, ouais, ça doit pas être facile, hein, ça. C'est quelque chose qui est pas facile. Moderne, car apparu au 20e siècle, cette expression est probablement l'amalgame de deux autres dans l'intention d'en aggraver le côté grossier et vulgaire. Hein? Faire chier, dont la signification ne devrait échapper à personne, et en faire une pendule, donc, à savoir rendre long, chiant et répétitif un truc qui ne devrait pas l'être. Ça m'a fait chier une pendule, ça m'a fait chier, c'est un peu ça. C'est très long et ça devrait pas, on devrait pas chier une pendule. J'aime bien hein, ces explications. Sinon, sixième petite explication, pas sixième, on est parti à 10, 9, 8, 7, on est rendu au 6. Comme un pet sur une toile cirée. Hein, ça veut dire que c'est passé facilement, d'après moi. C'est comme du beurre en poêle, qu'on pourrait dire. La toile cirée étant une surface particulièrement lisse, elle aura tendance à augmenter la vitesse du déplacement du pet. Filer comme un pet sur une toile cirée signifie donc se casser à vitesse grand V et de façon un peu fourbe à la manière d'un vilain pet. Ah, OK, donc j'étais un peu à côté. C'est comme du beurre en poêle, moi, c'était trop facile. C'est comme un pet sur une toile cirée, donc c'est se sauver, hein? C'est se sauver, à se casser à vitesse grand V. C'est de même qu'on peut dire ça, se casser à vitesse grand V. Pencu, un pencu, hein? On le sait, ça, on l'a entendu tellement souvent. Ben moi, en tout cas, j'aime ces expressions-là. Un pencu, c'est tiré de l'argot qui est apparu à la toute fin du 18e siècle. Cette expression, en gros, est la version abrégée de « personne qui se plaît à peigner les poils du cul ». Donc, hein, soit une personne qui manque quelque peu de raffinement. Moi, je vous dirais, c'est plus un licheux. Un peigne-cul, c'est un licheux. Là. C'est quelqu'un qui est prêt à te peigner les poils du cul pour te faire plaisir. Mais, tu sais, c'est en plein ça. Moi, je trouve que c'est un licheux. On pourrait dire en québécois. S'en tamponner le coquillard, ça, c'est s'en crisser complètement. Hein? Attesté au 16e siècle, cette expression pourrait être traduite en français moderne par « s'en torcher le cul hein? ». Tamponné égale essuyé et coquillard, c'est popotin. C'est très, très classe. Donc, sans tamponner le coquillard. Par contre, moi, tu sais, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est sans torcher le cul, c'est sans crisser. On dit qu'on dirait bien en québécois, là, on parle d'expression. Je suis pas en train de sacrer, on parle de français. Et vaut mieux employer des sacres et du joual qu'employer des expressions anglaises, hein, messieurs, mesdames, qui se croient bien intelligents avec leur anglais. Donc, moi, quand je disais sans tamponner le coquillard, je pensais que c'est le coquillard, c'était la tête. Mais non, le coquillard, c'est le popotin, c'est les fesses. Ah, celle-là, je la connaissais pas. Et mon cul sur la commode. Ben, moi, je comprends déjà le sens, pareil. Là. Cette expression a été inventée par Rip et Wilmette dans un musical datant de 1937, dans lequel l'actrice principale chantait « Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi, je prends le frais, le cul sur la commode. » Une image qui leur aurait été inspirée par l'expression russe « s'asseoir sur le poil », qui signifie « rester tranquille à la maison quand tout le monde s'agite ». Hein? C'est « et mon cul sur la commode », donc ça signifie « rester tranquille à la maison quand tout le monde s'agite ». On se sent bien plus intelligent maintenant, hein? Celle-là, que j'utilise, on utilise assez souvent même, je suis sûr, c'est avoir la tête dans le cul, hein? Ben oui, d'après nos sources. Ben moi, c'est que moi, avoir la tête dans le cul, c'est vraiment lendemain de veille, là, ou que t'as mal à la tête. En tout cas, on va aller voir. D'après leurs sources, qui sont celles qu'elles sont, hein, on est d'accord, l'utilisation de cette expression pour dire qu'on est fatigué ferait référence à la façon dorment la plupart des animaux, à savoir en boule et littéralement avec leur tête collée au cul. Donc, c'est être fatigué, moi je dirais c'est être scrap, hein, c'est être un peu brûlé. Péter dans la soie, ça c'est la dernière de ces expressions françaises. Donc, elle date de la moitié du 20e siècle. Cette expression se moque des bourgeois bling-bling. Oui, un peu comme Kim Kardashian puis Kanye West, là, genre. En pointant du doigt sur le fait que même s'ils s'achètent des fringues de soie qui coûtent les yeux de la tête, eh bien, ça reste des hommes comme tout le monde qui rotent, pètent, chient, doivent dormir, se curer le nez et manger, hein, parce qu'ils sont pas différents. Donc, ils pètent dans la soie. Péter dans la soie. Génial. On va rester dans le top. Hein. Moi, je trouve que ça va bien. Tout va bien. On y va avec le top 5 des inventions complètement crackpot que chaque timide rêverait d'avoir. Première machine, premier truc, finalement. Eh bien, première invention, je pourrais dire. Eh bien, justement, la machine à excuses. L'invention parfaite pour éviter de se pointer à une soirée quand vous ne sentez pas à l'idée de voir du monde. Un prototype exclusif de la machine à excuses a été développé par le pôle R&D de Topito. Essayez-le en cliquant pour générer une excuse. Attends un peu, faut que je l'essaye, OK? Faut que je l'essaye. Qu'est-ce que ça fait, générer une excuse? Et là, il nous dit... OK, je suis en retard, c'est parce que j'ai été interrogé par la police à un mariage chez un ami. OK. Est-ce qu'on peut en générer une autre? C'est ça. OK, je suis invité à cause d'un T-Rex au chalet. OK, ça, c'est des excuses. De la machine à excuses. Je suis invité à cause d'un colis suspect au restaurant. OK. Donc, on voit que c'est pas nécessairement intéressant de générer une excuse. Sinon, autre invention pour l'homme timide ou la femme timide, eh bien, la tenue bibandum. Ben, on se rappelle de bibandum chamallow. Hein? On se rappelle de ça. C'est la version française de Ghostbuster. Eh bien, c'est l'habit du bonhomme Michelin, hein, pour ne pas se faire musculer et garder son petit espace personnel, même dans les transports en commun. L'habit du bonhomme Michelin. Sinon, la grenade neuroflashouillante. Ça pourrait être pratique quand on est timide. Hein? C'est un mélange entre une grenade flash et un flash de neutraliseur trouvé sur les agents de Men in Black. Donc, ça doit être intéressant pour pouvoir se barrer en toute vitesse et faire oublier pas mal de trucs à votre entourage après avoir vécu un moment assez gênant. Bonne chose, la petite lumière qui nous... qui est amnésique. Sinon, autre invention pour vous, si vous êtes timide, le fond de teint anti-rougissement. L'atout maquillage indispensable à garder dans votre sac si vous êtes du genre à rougir comme une tomate pour un oui ou pour un non. Ce qui pourrait être pratique aussi, l'invention pour vous, si vous êtes vraiment, vraiment timide, ce sont les habits qui deviennent invisibles si on les met à l'envers. Hein, tout comme Harry Potter avec sa cape, il sera possible à n'importe quel timide de se rendre invisible rien qu'en retournant ses fringues. Pratique pour se faire tout petit et échapper à toute interaction sociale et ou s'enfuir d'un endroit qui vous est désagréable. Par contre, on risque de voir l'étiquette au dos de votre vêtement invisible. Donc, ça continue, il y en a plein. Si vous êtes vraiment timide, il y a un livre là, qui sort, ça s'appelle « Tout le monde te mate ». C'est exprès pour, je pense, te faire paranoïer. Hein? On aurait pu imaginer la boule de 8 qui répond à toutes vos questions au lieu d'aller demander à quelqu'un la fiole de courage liquide qui ne donne pas la gueule de bois. Ouais, parce que c'est ça, du courage liquide, il y en a, mais ça donne la gueule de bois et on se retrouve avec la tête dans le cul. Hein? Le chewing-gum anti-stress, davantage disponible et réalisable. Vous pouvez aussi participer au projet d'édition papier du livre « Tout le monde te mate ». Allez voir ça, cliquez partout et faites votre bonheur. Non, mais c'est cela. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est la chronique du Club plein air UQT. C'est de l'air. Voilà. Ah, voilà. Je pense que l'intro avait oublié de se pointer. Ça se pourrait. Bonjour Charles-Antoine Rioux. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Toi, ça va? Ça va bien, oui, absolument. Mon intro, elle me fait sourire un peu parce que, tu sais, je dévale une pente. Oui. Puis là, il n'y a pas encore de neige, fait que là, j'ai comme hâte que ça arrive, là, ça en vient. Ouais, ça, c'est une pente de feuilles, moi. Ouais, c'est ça. Je te dirais, on adapte. Ça. Ça se fait? Ça se fait. Oui, ça se fait. Oui. C'est de la boîte un peu. Ça glisse un peu. Faut pas t'avoir peur d'être sale après, mettons. C'est ça. De détails, puis dehors, on est habitué à être sale. Absolument. Hein? Ça fait partie de la game. C'est ça. Quel est ton sujet aujourd'hui, mon cher Charles-Antoine? Ce matin, justement, on introduit un peu avec la température qui change, avec l'hiver qui s'en vient. On va parler vraiment d'acclimatation. C'est un petit peu déprimant. Ah, mais vous allez voir, grâce à ça, vous allez trouver ça moins déprimant. Vous allez être préparé au fait que, comme dans Astérix, les deux pieds de neige tombent d'une shot, pouf, partout sur le paysage. Ça va, tout le monde va être prêt, ça va bien aller. C'est ça le but un peu. Cool. En fait, la thématique, c'est vraiment l'acclimatation. On va partir peut-être un peu plus du côté historique de la chose. Il y a beaucoup, beaucoup d'explorateurs. Vous savez que les grands explorateurs, c'était pas mal les premiers plein-airistes qu'on avait. C'est eux qui bravaient les éléments, qui vivaient dehors de façon prolongée, même s'ils avaient le choix de faire ça ou rester confortablement chez eux. Puis les explorateurs qui allaient dans les régions très, très désertiques, donc si on pense à l'Arctique, si on pense au Sahara, vraiment les places où les températures sont extrêmes, les conditions sont difficiles, ils commençaient toujours par s'acclimater avant d'y aller. Donc, par exemple, si j'avais à aller passer, je sais pas, 2 mois en Antarctique pour faire l'aller-retour au pôle sud en ski de fond, mettons, ça serait pas d'une shot. Je m'entraînerais pas pendant 2 ans à la maison, puis là, je partirais, boum, j'irais en Antarctique, puis là, je fais ma run. Parce que le corps est pas capable de... Enfin, le corps est capable, mais c'est pas l'idéal de confronter un changement de température trop brusque, trop rapidement. Mm-hmm. Donc, ces gens-là partaient plusieurs mois en préparation, ils revenaient chez eux et faisaient ça plusieurs fois pour vraiment que le corps s'acclimate. Ils ne s'entraînaient pas dans un congélateur d'épicerie. Il aurait pu. Ça aurait pu être une façon à moindre coût. C'est la technique poisson rouge, évidemment. C'est en plein ça. Donc, poisson rouge, il faut que tu le traînes dans son petit sac d'eau. Oui. C'est ça. Donc, si vous voulez vraiment aller à la conquête, vous êtes étudiant et vous voulez partir à la conquête de l'Antarctique, demandez à Sodexo de vous ouvrir le congélateur pour s'entraîner tous les jours. Ça va coûter moins cher. Puis Jean-Guy est de bonne compagnie. Ben oui, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir faire ça. Non, donc c'est ça. Les autres faisaient ça. Et puis, l'histoire, c'est que le corps, souvent, on parle d'adaptation. Le corps, en tant que tel, votre corps à vous, ne pourra jamais vraiment s'adapter dans votre vie. Parce que l'adaptation, ça se fait sur plusieurs générations. Okay. Par contre, l'acclimatation, c'est une capacité que votre corps a qui est relativement... qui est assez efficace. Un bon exemple, c'est quand arrive le printemps puis il fait 7-8 degrés Celsius. On trouve qu'il fait chaud. On est bien, on est ça, c'est ça qu'on change les manteaux. Quand arrive l'automne puis il fait 7-8 degrés Celsius... On est là, tabarouette. Il commence à faire fret, puis on met le manteau, on se dit « Shit, l'hiver s'en vient! » Ben c'est ça, c'est que votre corps s'acclimate aux températures. Donc, ces gens-là partaient, et puis... Juste, autant que ce soit chaud, froid, altitude, peu importe les conditions extrêmes, votre corps finit toujours par être capable de compenser, puis lui va s'habituer un peu à l'environnement. Ça m'étonne un peu parce qu'on oublie vite, là. Je veux dire, t'entends des gens ces temps-ci qui disent « Ouais, il fait noir de bonne heure ». Ben oui, comme à chaque année, je sais pas pourquoi t'es étonné. On oublie quand même vite on là, l'oublie, ce qui se passe. Ou on n'a pas de sujet de conversation, puis on parle de la météo, de ce qui se passe dehors, parce que c'est quelque chose que tout le monde subit. C'est vrai, c'est vrai. Ça, puis là, OK. Ouais. Tu sais aussi, on a chaque année sur la même affaire. Hein? Canadien du fort cette année, hein? C'est ça sent la coupe! Pareil à chaque année. Effectivement. Mais là où est-ce que je vais venir avec ça, c'est que vous pouvez vous aussi vous donner une chance à votre corps et à votre humeur par la même occasion. Mm-hmm. Puis vous acclimater à l'hiver qui s'en vient ou aux conditions qui s'en viennent. On prend des ice packs de temps en temps. On prend des ice packs, on prend des poches intérieures, c'est ça. Non. En fait, l'idée, c'est juste de. Essayez de ne pas mettre votre gros manteau dès qu'il commence à faire froid la première journée. Ça, le monde font ça, il fait chaud, ils vont passer de short et t-shirt et sandales à bottes, pantalons longs, manteau chaud d'un coup. Mm. C'est comme si ça se passait vraiment. C'est noir ou c'est blanc. C'est en plein ça. Il n'y a pas de zone grise. Oui. Puis c'est important de faire ça, puis autant pour vous, mais aussi pour ceux qui veulent profiter de l'extérieur. Ou juste, en fait, pour les gens qui n'aiment pas l'hiver, souvent, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de bien faire ça. Mm-hmm. Puis ils arrivent l'hiver, puis ils n'aiment pas ça, puis ils ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est un peu peut-être essayer de vivre. Moi, c'est pas mal ça que je fais. Je vis dans le déni. Je m'habille pas assez. Fait que je fais une transition un peu plus douce en faisant ça. Ben, ça pourrait être ça, en fait. Tant que ta transition plus douce se fait pas dès la première neige. Parce que non, c'est... Mais absolument, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est de progressivement commencer à juste s'habiller plus chaudement. T'sais, on sort le chandail à manches longues, on sort les pantalons longs tranquillement. Puis essayer toujours d'ajouter des petites couches au fur et à mesure. Un peu comme on parlait du multicouche en pleure d'oignon, l'idéal. Mm-hmm. Soit quand on fait du plein air, quand il fait froid, l'idéal, c'est pas d'avoir un gros manteau, c'est d'avoir plusieurs petits manteaux superposés pour pouvoir enlever des couches puis vraiment gérer notre chaleur en fonction de l'activité qu'on fait. Bien, c'est un peu l'idée avec l'hiver qui s'en vient. Donc, en faisant ça, votre corps va s'acclimater. Tout ce qui est la vascularisation, c'est votre sang qui circule dans votre corps. Comment est-ce que la chaleur est répartie dans votre corps va s'habituer progressivement. Puis là, d'un coup, pouf, il va y avoir 2 mètres de neige partout d'un coup en une nuit. Puis vous allez être bien dehors, mais vous ne saurez pas pourquoi. Bien, c'est pour ça, parce qu'on va s'être acclimaté. C'est génial. Par contre, ça fait... Il y a ça, mais il faut aussi faire le bout de chemin psychologiquement. Parce que... c'est plus dur, ça, je trouve. C'est plus dur. Mais il y a beaucoup... Moi, je pense sincèrement que si on veut apprécier l'hiver, si on veut apprendre à apprécier l'hiver, il faut savoir vivre l'hiver. Il faut se forcer à aller faire des petites choses dehors, même s'il fait froid. Et c'est même un des principaux outils que les gens utilisent pour aider les nouveaux arrivants à s'acclimater au Québec. Beaucoup de places où les nouveaux arrivants viennent d'endroits où ils ne sont pas habitués aux températures hivernales qu'on a ici, eh bien, c'est vraiment en les obligeant un petit peu, puis en leur montrant qu'il y a des choses à faire dehors, puis c'est comme ça qu'on apprend à aimer l'hiver. Thérapie choc, là. Oui, ça. Les brusquer un peu. Tout à fait. Direct la raquette, puis... On sort dans la face. Ah oui, aime ça. Aime l'hiver. Donc, c'est ça. Puis, en fait, il y a aussi un autre volet à ça, à cette préparation à l'hiver, c'est se préparer au fait que les journées vont raccourcir. Oui. Et ça a un impact sur nous. On peut rien y faire vraiment, mais grâce au soleil, notre corps va créer sa vitamine D. Puis, comme on a moins d'heures d'ensoleillement, on crée moins de vitamine D. C'est un bon, fait. On est déprimé. Ouais. On est déprimé, ça joue. C'est ce qu'on appelle vraiment la dépression saisonnière, c'est ça. Donc, on peut soit se forcer à aller passer 20 minutes au soleil devant la fenêtre quand il fait beau, au moins pour. Mais c'est vrai, ça aide beaucoup, en fait. Ah oui? Vraiment pour que la peau puisse vraiment absorber les rayons UV puis créer notre vitamine D, ça aide beaucoup. Ou vous se prendre de la vitamine D en cachet. Ça existe l'hiver, puis ça joue. C'est un peu comme de la vitamine C. C'est comme manger beaucoup d'oranges, en fait, pour la vitamine C. Puis ça nous aide beaucoup à combattre la fameuse dépression saisonnière. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Donc, c'est vraiment les 3 étapes pour se donner une chance puis apprendre à aimer l'hiver. C'est se forcer à aller dehors un petit peu. On s'habille progressivement au chaud, mais pas le manteau d'hiver des premières fraîcheurs. Puis, ben, pensez au soleil, pensez à votre vitamine D. Sinon, ben, faites comme ceux qui portent du karaté à l'année longue. Ils sont tout le temps en mode hivernal. Genre. Tout le temps. Tout le temps en mode bûcheron. Ouais. C'est plus mode printemps, ça. Tu trouves la cabane à sucre. T'as bien raison. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai associé avec l'hiver. Ben, à la base, c'était les bûcherons qui portaient la fameuse chemise carottée parce que c'était de la laine. Puis, ils forçaient tellement, ils travaillaient tellement fort que ça prenait quelque chose qui était chaud, mais qui respirait beaucoup. Mm-hmm. Aussi. Fait qu'à la base, c'était vraiment l'hiver qui allait bûcher. Mais j'avais raison sans le savoir. Ouais. C'est automne à Canal Vie. C'est ça, c'est parce que t'étais un petit peu plus vieux. Fait que tes références sont un peu plus. Ils comment je dis ancestrales. Merci. Ça m'énerve. Et pour ce qui est du club plein air, en terminant, on est revenu actif officiellement. On a déjà deux activités de fête. On a fait une belle après-midi slackline qui était juste en face de votre bureau. On vous avait invité pourtant. Vous n'êtes pas venu essayer. Oups. T'as bien raison, je ne m'en suis pas souvenu, en fait, comme la plupart des choses dans ma vie. Moi, ça fait 2 semaines que je me demande, hey, c'est quand ça? Moi, j'allais en parler, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, non, c'est déjà passé, j'aurais l'air fou, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu de chronique cette semaine-là. Ah, ça se pourrait très bien. Ça se peut, hein? Ça se peut-tu? Non. Non. Non, ça passe une passée. Non. Ah, OK, bref. Donc, c'est ça. On a aussi une après-midi Via Ferrata à la... C'est quoi la Via Ferrata, un petit peu? Non. Non, c'est une compagnie de train. C'est comme... Ouais, c'est, ben, en fait, c'est un petit peu ça, hein. L'idée de base, ça part de ça. Mais une Via Ferrata, c'est comme un parcours d'escalade, mais à l'horizontale. Puis, c'est pas aussi forçant. Donc, il y a toujours une plateforme. Par exemple, disons qu'il y avait une belle paroi d'escalade. Je pourrais soit la grimper en grimpeur, puis si j'étais vraiment en forme, j'étais bon en escalade, ou essayer des planches, puis des prises, puis y aller vraiment à l'horizontale, toujours assuré. Ah. Puis en fait, il y a beaucoup de places qui le font. C'est facile. C'est beaucoup plus facile que grimper. On n'est pas toujours en train de se tenir parce qu'on marche, mais on est vraiment en hauteur bien assuré. C'est super intéressant. Cool. Mais ça doit être moins pire pour le vertige aussi, étant donné que tu ne montes pas tout le temps. Oui, mais tu pars haut. Au lieu de partir d'en bas puis te rendre en haut, tu pars haut tout de suite. Haut, puis tu restes haut pas mal tout le temps. Ah, wow. Okay. Mais ça aide parce que c'est beaucoup plus sécurisant. T'as toujours 2 longes qui te retiennent, t'es toujours attaché. Bref, ça se fait au parc de Vatican. Et puis, les prochaines activités qui s'en viennent, on va peut-être avoir une randonnée découverte mycologie, initiation à la cueillette de champignons. Champignons, oui. Ouais. Et puis. Dépendamment si on veut buzzer ou pas, on sait lesquels. On va vous apprendre lesquels manger, lesquels ne pas manger. j'en dirai pas plus. Et il va aussi avoir la classique sortie Escalade intérieure qu'on va faire au courant de la fin du mois d'octobre. Ça, c'est en hauteur. Ça, c'est en hauteur. Là, on part en bas puis on se rend en haut. On est encore attaché, par exemple. Puis on est en bas, puis on vous encourage. Puis on vous retient si vous tombez. Ah, c'est rassurant, ça. Puis s'il y a d'autres slacklines, là on le sort à l'avance pour le notre. Hein, parce qu'on n'est pas des bons collègues. C'est bon. Au pire, j'irai la monter, je suis en face de votre bureau. Okay. Au pause, on va sortir. Parfait. En deux chroniques. Hein. Génial. Donc, le Club plein air UQTR, on vous retrouve sur Facebook. Sur Facebook, il suffit d'écrire UQTR sur Facebook, mais c'est UQTAIR et non UQTR la lettre. On peut aussi nous écrire au uqtair@hotmail.fr. C'est vraiment .fr, faut pas se tromper. .fr, okay. Ouais, nous, on se trompe des fois. C'est il est rendu France. Hey. Ça marche pas, ouais. On l'a toujours. C'est 50% de notre clientèle. Fait quand... Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte que Microsoft fasse un show courriel.fr. Ça serait vraiment cool. Ça pourrait être vraiment. Parce que je trouve que c'est trop anglophone, Hotmail. Ok, show courriel. Je viens de la comprendre. Merci. C'était un rire fake avant, mais là, tu viens de. Okay. Moi, je me sens mal. Le dégoût de ça. Donc, il y a un Club plein air UQT AIR. AIR. On est toujours ouvert aux gens si vous voulez vous impliquer, si vous nous écoutez en ce moment. Écrivez-nous, il y a toujours la place pour organiser des activités. Génial. Et on te retrouve particulièrement, exceptionnellement, la semaine prochaine. On va faire deux semaines de suite et après ça, on reprendra le cycle de deux semaines. Ça. Semaine prochaine, c'est la mission et qu'il va y avoir une chronique spéciale. Oh, je vous en dis pas plus. Ça, c'est excitant, ça. Okay. Ça, tu fais la poule. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci à vous, bonne journée. À la semaine prochaine. Nous, on est toujours à Assemblage Requis. Ça n'arrête jamais. Ben non. Mais ça arrête un petit peu pour des pauses musicales, mais ça, je veux dire... Ça arrête pas pour vrai. Mais non. Quand est-ce qu'il va être assemblé, votre bidule? Oh, on y va graduellement. On veut pas trop se presser, ça. Pas se mettre de pression. Ben non. Sinon, hein, tu sais, on va avoir le stress de la performance. Ah, On va abandonner, avoir un E ou un F. On n'a pas encore déterminé si c'est ça, c'est pas un échec. Échec ou fail. Fail. Voici, ben, nous, on va par le bas avec notre niveau de conscience. Debiteps, elle va vers le haut avec hop. Ah, fait l'escalade. Debbie Tabs featuring Mr. Valère et la pièce Up. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Sur ce, eh bien, on commence en archéologie dans le dîner de cons et on parle de cette espèce ancêtre du kangourou géant qui ne sautillait pas. Eh bien, cet ancêtre marchait plutôt et ressemblait à un genre de gros lapin, mais vraiment un gros lapin, là, vous allez voir. Il était une fois, il y a de cela 30 000 ans, des kangourous géants qui peuplaient l'Australie. Ils ne ressemblaient pas du tout à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Non, eux mesuraient plus de 2 mètres contre 1,80 m grand maximum aujourd'hui, ce qui n'est pas vraiment une grosse différence. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus gros que ça. Pesaient par contre 240 kg. Contre aujourd'hui 80 kg en moyenne pour un mâle adulte et leur tête avait l'air d'un lapin. Mais surtout, ils ne sautillaient pas. C'est une étude publiée dans la revue Plus One du 15 octobre qui révèle cette amusante et intéressante découverte. Après examen des os de plus de 45 espèces de kangourous anciennes et actuelles, les chercheurs ont réalisé l'un des kangourous géants d'une espèce éteinte, le Procotopdon Golia, ne sautillait pas mais marchait plutôt comme nous. À deux pattes. Plusieurs différences entre cette espèce qui habitait l'Australie à l'époque du Néandertal et de toutes celles qu'on connaît aujourd'hui ont pu être identifiées. Entre autres, ils avaient des genoux et des hanches plus larges. Et pour vrai, les jambes ressemblent presque à des jambes humaines. L'articulation de leurs chevilles était beaucoup plus stable. Leur colonne vertébrale était plus rigide, ce qui montre que proportionnellement, leurs muscles étaient donc plus petits. Ça limiterait leur capacité à sauter. C'est ce qu'ont écrit les chercheurs. Mais cela prépare leur colonne vertébrale à supporter la pression sur le dos générée par le mouvement de la marche. Au niveau du facial, eh bien, il ressemblait plutôt à un lapin de façon plus prononcée. C'est ce qu'explique Janice, professeur d'écologie et de biologie évolutionnaire. Leur tête était plus petite et ils avaient de longues oreilles. Justement, un peu comme un lapin. Si l'évolution a fait sautiller et non pas marcher tous les kangourous d'aujourd'hui, c'est certainement que c'est avantageux pour eux. Ils utilisent jusqu'à 5 membres pour avancer. Leurs bras et la queue les aident à ralentir. On en apprend toujours un peu plus. Vraiment extraordinaire. Saviez-vous, si vous êtes sur le point de vendre votre maison, que vous pouvez peut-être augmenter le prix d'une vente de votre maison grâce à un chat? Eh bien oui, si votre meilleur atout pour vendre votre maison était votre chat, c'est le constat qu'a tiré une famille australienne éberluée par l'étrange proposition qu'elle a reçue. Des visiteurs leur ont en effet proposé de racheter leur maison pour près de 2 millions d'euros. Au lieu des un peu plus de 1,5 million de dollars demandés initialement par les propriétaires. Les Perceval habitent à Melbourne, en Australie, dans une maison de 5 chambres avec leurs 2 chiens, 2 lapins, leur poisson rouge et bien sûr leur chat. Tiffany, un chat de race Ragdoll, a justement tapé dans l'œil du fils de la famille qui visitait la maison à vendre des Perceval, à tel point que les visiteurs sont prêts à payer bien plus cher pour faire plaisir à leur môme. Mais vraiment ridicule, je m'excuse, mais je peux te trouver un chat pour 5$, même gratos si tu veux. Tout a commencé comme une blague, raconte Fran Perceval au journal The Independent. Tiffany est un très beau chat et elle aimait observer les visiteurs depuis le canapé. À force de recevoir des compliments, on a dit en rigolant que nous serions prêts à leur laisser le chat avec la maison avec un prix un peu plus élevé. Mais cette famille de visiteurs les a pris au mot et leur a fait une proposition que les Perceval ont fini par accepter. J'espère. Leur fils, pauvre petit gars de 19 ans, était un peu triste au début, car c'est lui qui avait acheté Tiffany il y a 4 ans. Mais il s'est fait une raison. Il faut dire que le jeune homme doit bientôt partir à l'étranger, tandis que le jeune garçon des nouveaux acheteurs pourra, lui, jouer avec le chat tous les jours. Hein, donnez-y une coupe de 1000, je pense qu'il ne broyera plus pantoute. Les Perceval affirment que, de toute façon, Tiffany sera plus heureuse en restant dans cette maison qu'en subissant un déménagement. Les chats sont très attachés à leur territoire et Tiffany est très proche du chat voisin. Pauvre petite fille, se justifie Fran des excuses qui ont du mal à passer auprès des internautes qui soulignent dans les commentaires qu'adopter un animal, c'est pour la vie. Ben, vous êtes des épais. Si je vous offre 500 000 pour votre animal puis vous en départissez pas, vous avez vraiment un problème pour vrai, là. Hein? Je m'excuse, mais tu t'en achèteras un autre chat, là. Puis c'est pas pour aller le faire tuer, c'est pour que quelqu'un s'en occupe et l'aime. Fait que, en tout cas, C'est les gens là, sur Internet, je m'en ai dit sur les internets, sont toujours très, très bien pensants. Ils ont toujours des beaux principes, mais j'aimerais ça les voir dans la vraie vie, dans la réalité. Caché derrière notre clavier, on peut être vraiment imbécile. En loterie, une nouvelle ici, mais comme encore, je trouve, c'est une nouvelle, mais on dit, hein, c'est l'insolite inutile, on le dit. Il gagne $1 million et donne la moitié à son frère. Rien d'extraordinaire là-dedans, je trouve. Eric Hale est un homme de parole, c'est Américain de 45 ans, va partager les gains de la cagnotte qu'il a remportée à la loterie avec son frère, honorant ainsi la promesse qu'il s'était fait étant enfant. Le 24 septembre dernier, ça fait quand même un petit bout, hein, eh bien, cet habitant de l'Oregon apprend qu'il vient de gagner $1 million. Et son premier réflexe, appeler son frère. Quand j'étais enfant, j'ai promis à mon frère que si je gagnais un jour à la loterie, je ferais moitié-moitié avec lui. C'est la première personne que j'ai appelée quand j'ai réalisé que j'avais gagné. Très bonne nouvelle. Une nouvelle qui a bouleversé son frère Quinn. Il dit, c'est tout simplement incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'il tiendrait vraiment sa promesse. Je n'arrive pas à le réaliser, même si on vient de recevoir les chèques. Une fois les taxes enlevées, les deux frères ont touché environ $335 000 américains. Chacun, Eric, souhaite partir en voyage en Chine pour payer un master en conseil clinique, se payer un master en conseil clinique et investir le reste de l'argent. Son frère Quinn, qui effectue actuellement un doctorat, entend rembourser son crédit étudiant et s'offrir un camping-car. Bravo, bonne nouvelle. Et c'est en chemin pour aller voir sa mère que Eric Hale s'est arrêté pour acheter un billet de loterie en jouant les mêmes numéros que ceux sur lesquels il mise depuis plus de 20 ans. Décidément, l'esprit de famille lui réussit et c'est tant mieux. Ici, si vous avez un iPad puis vous avez vraiment le goût de le scraper et puis vous savez pas quoi faire avec, eh bien, je vous propose ici l'idée d'avoir un petit baby foot avec votre iPad. Vous transformez ça, je vous explique. Oubliez les applications pour iPad ringardes en deux secondes par cet accessoire. Le Stuart Ross de Stuart Ross, le PDG de la société New Potato Technology, qui vous propose de transformer votre tablette en baby foot. Rien que ça, et c'est ridicule. C'est un cadre qui est à accrocher à votre iPad, 4 pieds en caoutchouc et des manettes reliées au jeu qui s'affichent sur l'écran. Repéré par OnCrate, voici un véritable mini babyfoot portatif où l'alliance du virtuel et du réel pour donner une gadget qui sert à rien et qui tentera pas personne. On aime une table de babyfoot parce qu'on peut abrasser, parce que c'est assez grand quand t'es à 3 ou 4 ou 2 à jouer. Là, t'as 4 manettes. Et vous imaginez la grosseur d'un iPad, ça mesure 25 cm à peu près de long. C'est complètement cave. Vous aurez certainement pas la satisfaction d'entendre le bruit de la balle qui cogne dans le but adverse quand vous marquez, mais les anneaux de couleur pour le score, eux, sont bien présents. Vous pouvez aussi d'ailleurs ajouter le bruit d'une foule en délire pendant votre partie. À 80 € le gadget, c'est bien la moindre des choses. Vraiment un beau $80 de perdu pour vous. Autre façon, si vous êtes vraiment riche puis vous aimez le bling-bling puis on s'entendrait pas nécessairement bien ensemble, eh bien, je vous propose ici des dents en or, qu'on appelle plutôt des grills, personnalisés en fonction des paroles d'une chanson. Eh bien oui, voilà un accessoire que tous les fans de hip-hop vont vouloir. L'artiste new-yorkaise Rupa Vasudevan a gréé des grills en 3D en analysant les paroles du célèbre chanteur de hip-hop. Il y a du Puff Daddy, du Notorious B.I.G. ou encore du Fat Joe. Au moins, on est allé avec des vrais, tu sais, on n'est pas allé avec des petits newbies. Les grills, eh bien, ce sont ces prothèses dentaires décoratives qui ont été popularisées dans les années 80. En France, Joey Starr est connu pour en porter. Souvent, plus le chanteur a de succès, plus le grills est précieux. Moi, je te dirais, plus t'as de grills dans la bouche, plus qu'il y a de chances que j'écoute pas ta musique. L'artiste Rupa Vasudevan, membre du collectif Flux Factory, a calculé la fréquence des références à la richesse, argent, voiture, bijoux, et de la pauvreté, trafic de drogue, prostitution et vie dans la rue, dans des chansons données pour créer un algorithme grâce au logiciel Pi Genius. Une imprimante 3D ensuite modélise le grills ainsi obtenu. Alors, vous avez des grills à parler sur mesure. Bonne idée pour perdre son argent. Le Danemark qui veut interdire complètement la zoophilie. Tout ça pour contrecarrer le tourisme sexuel. Tu sais, en Thaïlande, on a le tourisme sexuel pour les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes... Tout ça... Mais là, c'est pour les animaux. Donc, je savais pas que le Danemark était prisé par les zoophiles. En tout cas, à l'international, on y va donc. Après la France en 2004 et l'Allemagne en 2012, eh bien, le Danemark veut, à l'exemple de ses voisins, interdire la zoophilie. Ben oui, hein? Donc, je cite, c'est quoi ça doit être le ministère de l'Agriculture? « Je propose une modification de la loi sur la protection des animaux afin de préciser explicitement que les relations sexuelles avec les animaux ne sont plus autorisées. » C'est ce qu'a indiqué Dan Jorgensen dans un communiqué. Il nous dit que les animaux doivent être traités avec respect et soin et ont droit à une protection particulière parce qu'ils ne peuvent pas dire non. OK. Alors que les règles ont été renforcées dans le reste de l'Europe, il y a un risque que le Danemark soit considéré comme un refuge pour les personnes ayant ce penchant à la zoophilie. Par conséquent, je veux envoyer un signal clair que le Danemark n'est pas un refuge pour les gens qui veulent exploiter les animaux sexuellement. C'est ce qu'a ajouté Dan Jorgensen. La Suède, la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre, la France et l'Allemagne punissent les actes zoophiles, a rappelé le ministre. Jusqu'à présent, la zoophilie est illégale au Danemark seulement si les souffrances de l'animal pouvaient être documentées. Ah ah! Mais les récentes interdictions dans certains pays d'Europe seraient en passe de faire du Danemark un haut lieu du tourisme zoophile. Donc, tant que tu fais pas mal à ma bête, tu peux faire ce que tu veux avec. C'était la règle au Danemark. En 2007, une journaliste de la chaîne danoise TV2 News, située par le 20 Minutes, évoquait dans son enquête, en ces termes, « Un homme m'a montré comment on pouvait avoir un rapport sexuel avec un cheval. Il m'a aussi confié que de nombreux bus remplis d'Allemands débarquaient au Danemark et le but de ces touristes était de vivre des moments intimes avec des bêtes. » Reportage du magazine Vice illustre cette tendance. Vous allez voir, la vidéo est disponible sur la page du Dîner de cons. Le Parlement a auparavant déjà refusé d'amender la loi sur la protection des animaux, estimant suffisante la législation actuelle. Donc, tu avais le droit tant que tu fais pas mal puis que c'est pas documenté. Selon le journal, le gouvernement disposerait désormais d'une majorité pour modifier la loi, outre... Dans un récent sondage, les Danois se sont prononcés à 76% en faveur de l'interdiction de la zoophilie. Donc, il reste quand même 24% de la population, une personne sur quatre, qui est pas mal à l'aise avec la zoophilie. Une personne sur quatre. En France, la zoophilie est punissable de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende depuis 2004. Quand même, ça fait pas longtemps, je trouve. Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, oui, ou même tenu en captivité, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux présents articles encourent également des peines complémentaires d'interdiction à titre définitif ou non de détenir un animal et d'exercer pour une durée de 5 ans ou plus une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Hein? Quand même, la notion de sévices sexuels n'apparaît pas dans les versions précédentes de la loi sur l'acte des cruautés envers un animal, initialement publiée, elle, en 1994. Mais en 2007, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dijon, rendu en 2006, condamnant un homme à 1 an d'emprisonnement avec sursis, ainsi que d'une interdiction définitive de détenir un animal. Des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au dudit texte, oui. Donc, si vous voulez aller au Danemark, messieurs ou mesdames, eh bien, il faut y aller bientôt, parce que, non, pas une bonne idée. Vraiment, aïe aïe. Une nouvelle, là, tout à fait dîner de con-esque, comme on l'aime. Et puis, tant qu'être dans le rigolo, là, comme ça, on y va. C'est rigolo pour nous. Peut-être un peu moins pour elle et pas du tout pour son mari. C'est une dame qui, en Espagne, est tombée enceinte de son stripteaseur nain lors de son enterrement de vie de jeune fille. Ben oui, comme vous le savez, l'enterrement de vie de célibataire est une tradition qui consiste à faire profiter le célibataire de tous les plaisirs que son prochain engagement de fidélité rendra difficile, voire peut-être même interdit. Hein? Lors de son enterrement de vie de jeune fille, une Espagnole a peut-être dérapé un peu avec le stripteaseur nain payé par ses copines pour la soirée. Problème, c'est que celle-ci est tombée enceinte et l'affaire a été révélée 9 mois plus tard à la naissance du bébé. Le jour de l'accouchement, alors que cet événement se devait d'être un des plus beaux jours de leur vie après leur mariage, eh bien le petit couple a appris que leur nouveau-né était atteint de nanisme. immédiatement, l'incompréhension a gagné la famille. Aucun cas de nanisme n'avait été recensé à ce jour dans les familles respectueuses des époux. Les proches de la jeune mariée présente à l'enterrement de vie de jeune fille ont alors rapidement fait le rapprochement avec le stripteaseur nain de la soirée. Devant le fait accompli, l'épouse infidèle a tout avoué à son mari. Elle a expliqué que sous l'effet de l'alcool, elle avait couché avec le stripteaseur nain. Dans la presse espagnole, la mère de la jeune mariée explique que personne, ni la famille, ni les amis, ne savait qu'elle avait eu une relation sexuelle avec ce stripteaseur. Après le calme, la tempête trahie, l'époux a décidé de porter l'affaire en public et l'histoire fait aujourd'hui la une des magazines espagnols. C'est clair, dans toute cette affaire, nous espérons qu'une seule chose, c'est que le petit ne sera pas un infidèle plus tard. Oh, mais c'est une joke plate, mais gars, c'est quand même elle qui a fait des galipettes. Hein? Assume, ma grande! On s'en va ici avec ce mot d'excuse qui a été signé par Hollande. On en a parlé la semaine dernière. Eh bien, il a été confisqué par la proviseure du lycée. C'était une pièce de collection. Elle est maintenant confisquée. L'adolescent qui a fait signer son mot d'excuse par François Hollande jeudi à Angoulême a été convoqué par la proviseure du lycée. Donc, Ludovic, 17 ans, raconte à la Charente Libre que la chef d'établissement lui a confisqué l'original du cahier où le mot avait été écrit. Elle m'a dit qu'il n'aurait pas fallu faire ça et m'a demandé de lui donner l'original. Je me suis exécuté, a confié le jeune homme. Selon l'adolescent, la proviseure a estimé que l'histoire prenait trop d'ampleur et qu'il ne fallait pas qu'il y ait de photos et de vidéos. Interrogée par le quotidien local, la chef d'établissement a refusé de répondre aux questions. La fin de l'histoire est d'autant plus insolite qu'elle ressemble furieusement à ce qu'avait écrit le site satirique Le Gorafi. C'est qui est le Figaro, vous comprenez. Ce vendredi matin, il racontait que l'adolescent avait été exclu 3 jours de son lycée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. On accueille Laurent Constantin, toujours prêt, toujours... prêt à faire son meilleur possible, son effort, comme les louveteaux, dirais-je. Je pense lui qui me parlait de louveteaux tantôt, puis je ne sais pas lequel va avec lequel. Mais je sais que lui, c'est pas un louveteau, c'est un loup-garou lève-tôt. Hein? Oh. Voici Déchiffrons le Campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Just a phase I'm going through. Just a phase I'm going through. Salut Laurent Constantin! Bonjour Mathieu Plante, comment ça va? Ça va très bien, toi ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait un moment qu'on s'est vu, mais ça oui, va toujours déjà, bien. Déjà. Oui, oui. T'allais dire? C'est la vie. J'ai aimé ça, ce qualificatif. Loup-garou, lève-tôt. C'est pas pire, ça? Ouais. C'est comme si tu comprends, ça fait louveteau. T'sais. Un bel amalgame. Et voilà. Donc aujourd'hui, on parle d'austérité. Je ne sais pas par où ça s'en va, tout ça. Oui, c'est ça. Je t'ai demandé si tu étais bien réveillé. Aux auditeurs aussi, s'ils sont bien réveillés. Je sais que des fois, parler un petit peu de chiffres, d'économie... À 7h30. À 7h30, ouais. C'est ça. C'est pas tout le temps très facile, mais on va y aller de façon très pédagogique, là, on s'entend. Ben, c'est ça, c'est Déchiffrons le Campus. Là. C'est fait pour être vulgarisé. Exactement. Ça arrête pas de sacrer, cette histoire-là. Exactement. oui. vous avez sûrement vu dans un de mes derniers articles aux Ondes Campus que j'écrivais à propos des compressions budgétaires, des compressions gouvernementales imposées aux universités. Ouais. Eh bien, ces compressions gouvernementales-là, on se rappelle, s'élevaient à 172 millions pour l'ensemble du réseau universitaire. C'est un montant élevé, astronomique. Élevé. De ce 172 millions-là, il y en avait déjà 123 qui étaient associés aux coupes du précédent gouvernement, le gouvernement Marois. Mais là, le gouvernement libéral, en plus d'avoir ajouté environ... Ben, c'est fait 172 moins 123. Ouais, là, c'est ça. Ce matin, c'est ça. Moi aussi, je suis quand même un peu endormi. Il va y avoir une deuxième vague de compression. 49, oui. Ah, merci. Il va y avoir une deuxième vague de compression budgétaire imposée cette fois-ci par le gouvernement Couillard. Mm-hmm. Donc, on verra, c'est ça. De nouvelles compressions pour ce qu'on dit atteindre les cibles. Chaque secrétariat, chaque ministère, tout poste budgétaire au gouvernement doit atteindre des cibles de réduction de dépenses. Et c'est ça un peu l'austérité en se voyant qu'il y a un certain déficit. certaines dettes accumulées. On va tenter de réduire les dépenses, atteindre certaines cibles pour un peu retrouver l'équilibre budgétaire le plus tôt possible. Ouais. Et donc, c'est ça que les universités, il y a un problème à ça. En 2014-2015, la hausse des revenus, la hausse de ça veut dire de l'argent gouvernemental qui arrive dans l'université, a seulement été de 1,4%. Si on voit le coût de la vie qui augmente, l'inflation qui augmente, aussi la population étudiante qui augmente, la plupart des universités considèrent que 1,4%, c'est trop peu. Okay. D'ailleurs, Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, dit que le réseau universitaire est en récession, qu'il reçoit moins d'argent que l'an dernier par étudiant. Donc ça, c'est un problème parce que c'est une première en plus de 15 ans. Donc avant, à chaque année, il y avait une progression quand même ou d'au moins autant d'argent par étudiant ou plus d'argent par étudiant. Parce que là, on voit, c'est ça, il y a plus d'étudiants, les coûts ne baissent jamais par étudiant et là, on reçoit moins d'argent. Donc, il faut réussir à trouver de l'argent quelque part. Mmh. On parlait d'un réinvestissement sous le gouvernement Marois. On se demande maintenant où est rendu ce réinvestissement-là. Donc, oui, couper, mais donner de nouvelles dépenses pour trouver des nouveaux postes budgétaires, c'est des choses qui étaient quand même nécessaires. Donc, les universités estiment maintenant qu'elles sont acculées au déficit. C'est pour ça que le gouvernement Couillard veut donner des plans de redressement à chacune des universités, parce que la loi interdit aux universités d'avoir des déficits. Okay. C'est interdit d'avoir du rouge dans un budget universitaire. C'est des choses qui ont déjà été permises à certaines années, mais le gouvernement Couillard a décidé que non, il n'y aurait pas de déficit dans les universités. Donc, si les universités ne sont pas capables d'équilibrer leur budget, ouais, il va y avoir un plan de redressement et comme un peu Yves Bolduc s'est immiscé dans les commissions scolaires, peut-être qu'il va y envoyer un vérificateur, quoi que ce soit, pour vraiment voir où est-ce qu'on peut couper. Ouf. Donc, des plans de redressement, donc atteindre des cibles, toujours les cibles, il faut atteindre les cibles pour retrouver l'équilibre budgétaire. Donc, on a vu ça dans les commissions scolaires, au conservatoire, c'est dans les différents conservatoires, oui, et là, dans les universités. Et là, ma question, ben là, je sors un petit peu de toutes les données, là, puis c'est plus mon côté plus chroniqueur éditorial que personnellement, ressortir, ouais, c'est ça? Quelle image envoie le gouvernement exactement? Quelle image ça envoie de couper un peu partout en éducation? Est-ce que ça veut dire que finalement l'éducation depuis 50 ans dépense trop? Est-ce qu'elle dépense mal? Est-ce que finalement, l'éducation, c'est quelque chose qui est secondaire? Mm-hmm. Donc, c'est peut-être ça l'image qu'envoie le gouvernement, puis c'est peut-être quelque chose qui est nocif pour la société québécoise, de se dire que finalement, l'éducation, c'est une dépense plutôt qu'un investissement. C'est une dépense et il faut dépenser le plus. Faut dépenser le moins possible, mm-hmm, plutôt, oui. Ceux qui voudront être éduqués dépenseront par eux-mêmes. C'est ce qu'on avait vu un petit peu par la hausse des frais de scolarité. Le message qui est envoyé dans la société, c'est-à-dire ceux qui veulent aller à l'université vont payer pour leur université. C'est pas à l'ensemble de la société de payer pour leur université. Déjà, très peu cher, c'est aux étudiants de s'arranger pour payer. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est de problème. Donc, l'atteinte de cible, ça touche surtout les dépenses. On va réduire les dépenses. Mais quand on réduit toutes les dépenses, d'une certaine façon, ça touche aussi les revenus. Puis il faut y penser aussi aux revenus. Souvent, ce qui nous aide à ne pas atteindre le rouge, c'est si on accumule le plus d'argent possible. Toi, Mathieu, par exemple. Mettons. Ah, je vais interagir là, okay, un petit peu là, oui, de parler de ça. Mais non, mais je te laisse prendre ta place. Si tu perds ton emploi. Mettons, là. Mettons, là. Je veux pas créer d'alerte, là. Zone Campus, c'est fou, ça ferme pas demain, là. Mais mettons, je sais pas, l'Association générale des étudiants, l'UQTR, décide unanimement de couper toute subvention, mm-hmm, au journal et à la radio. Mettons. Tu perds ton emploi. Je suis désolé, Mathieu. Tu perds ton emploi. C'est triste, ouais. Qu'est-ce qui arrive demain? Je sais pas. Je sais pas, ton iPhone, j'imagine, non, ça va devenir un peu trop cher. Des dépenses vont être plus difficiles. Tu vas moins consommer. Oui, exact. Je vais me serrer à ceinture, ça, je vais me rouler les manches. Ouais, c'est ça. Donc, quand on consomme moins, on paye moins de taxes. C'est vrai. La TPS, TVQ, taxe de vente du Québec. Mm-hmm. C'est de l'argent qui va directement dans les poches du gouvernement du Québec. Plus on consomme, plus ils en ont dans leur poche. Ouais. tu vas aussi moins payer d'impôts, sinon ne payer aucun impôt. Probablement, oui. Probablement, comme les étudiants en ce moment, on ne paye pas d'impôts, mais on se prépare peu à peu à payer d'énormes impôts. Mais c'est ça, la plupart des étudiants sont prêts actuellement. Je vais pouvoir vivre ma vie d'étudiant bien, sans trop de difficultés financières. Et ensuite, on va accepter de payer les impôts parce qu'on a eu une scolarité qui n'était pas très chère. Donc, ça touche aussi les revenus. Des gens qui perdent leur emploi, par exemple, si on parle sur la scène fédérale, si tous les postiers de Poste Canada perdent leur emploi. C'est vrai. Hydro-Québec, si tous les releveurs là, avec tous les nouveaux compteurs électroniques, merci, si eux, ils perdent leur emploi, ça fait moins d'impôts, ça fait moins de revenus. Même chose pour en culture. C'est la culture, tous les gens qui travaillent dans cette industrie-là, on investit souvent des petites sommes. Avec ces petites sommes-là, on réussit à faire beaucoup de revenus. Si on coupe là-dedans, ça va faire moins de revenus pour l'État. Donc, c'est pour ça que, selon moi, l'austérité, c'est quelque chose qui est toxique. Parce qu'en coupant, finalement, c'est pas simplement les dépenses qu'on réduit, c'est aussi les revenus. C'est un engrenage interminable. Oui, c'est ça, des pertes d'emploi, nécessairement, c'est des pertes de revenus pour l'État. C'est certain que si on prend tout simplement l'exemple d'employés fonctionnaires, c'est pas de la nouvelle argent, ça c'est l'argent qu'on a donné aux fonctionnaires qui revient à l'État. Mais c'est sûr que si on applique cette logique-là à l'extérieur des fonctionnaires, donc par exemple, les fonctionnaires font en ayant un salaire, ils font aussi fonctionner certains restaurants, certains commerces. Donc, c'est à prendre en compte. Finalement, l'investissement. Peut-être qu'on n'investit pas assez en éducation pour la rendre rentable, ou du moins, on la voit plutôt comme une dépense et non comme un investissement. Je l'ai dit, les étudiants universitaires, plus tard, vont faire de très bons salaires et vont en payer de l'impôt, énormément. Ils vont en avoir un iPhone. C'est ça, ils vont en avoir un iPhone, ils vont en avoir de la dépense. Donc, comme je dis, l'éducation, c'est quelque chose qui est vu dans différentes études, que quelqu'un d'éduqué sera plus en santé. Il a plus conscience de sa santé. Même chose pour la culture. Comme je disais, pour chaque dollar qu'on donne en culture, il en ramène, je ne sais plus combien exactement, mais beaucoup plus que ce qu'on en investit. Parce que c'est ça, c'est tout autour. Par exemple, vous allez à la salle Thompson au centre-ville, vous allez prendre un petit café, vous allez peut-être souper avant, vous allez vous traîner au centre-ville. Donc, c'est toutes des dépenses qui sont autour qui finalement créent des revenus pour l'État. Donc, un investissement, c'est pas simplement pour un pipeline ou des sables bitumineux. Ça peut être pour plein d'autres choses qui vont enrichir la vie des gens. Et finalement, on va avoir investi dans une société qui est heureuse. Voilà. Donc, voilà. C'est bien dit. Et ma conclusion, ça peut tout simplement être que c'est ça. La scolarité, ça mène à des emplois qui sont payants, plus d'impôts. Parce qu'on va plus dépenser aussi, plus de dépenses. Donc moi, même si j'arrive à 20 ans de scolarité, là, c'est beaucoup quand même 20 ans de scolarité. C'est au-dessus de la moyenne québécoise, mais chaque personne... Tu peux commencer à 3 ans, je pense, c'est ça. Ta scolarité. Toi. Exactement. J'étais très jeune, j'avais déjà une moustache à 3 ans. Non, mais la moyenne des gens qui vont sortir de l'université, ils vont sortir avec 18, 19, 20 ans de scolarité, mais ils vont payer de l'impôt pendant, travailler activement pendant environ 35 ans, 40 ans. Donc, ça peut vouloir la peine d'investir dans l'éducation quand on voit tous les bénéfices qui en ressortent. Et c'est ça qui finit un peu ma chronique, de voir l'austérité comme quelque chose de toxique, un peu le néolibéralisme, de dire que les gens s'occuperont eux-mêmes de leurs propres affaires, on va réduire l'État complètement. C'est peut-être quelque chose qu'on essaie de faire trop rapidement. Quelque chose de progressif, je crois. Oui, c'est un peu brusque. Hein. C'est ça. En coupant autant d'emplois en même temps, ça peut être dangereux pour l'État québécois. Hey. On vous a dit cette affaire-là ce matin, puis il faut que vous le compreniez. Il faut que vous écoutiez Laurent Constantin à chaque semaine pour apprendre des affaires comme ça. Parce que, tu sais, moi, je ne savais pas tous ces chiffres-là. Là. Écoute, je cave, moi, au départ, sur ce sujet-là. Et j'en ai appris avec toi, Laurent Constantin. On te retrouve jeudi prochain. C'est toujours à 7h30. Oui, tout à fait. Est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Pardon? Tu restes avec nous un peu? Oui, je reste avec vous un petit peu. Avec toi. Avec moi, avec les requins aussi, les auditeurs, bien sûr. Oui. Les requins qui sont aussi incompétents dans ce domaine-là. Une chance que tu nous éduques un petit peu, Laurent. On s'en va entendre Rich au coin. Rich, hein? Il est riche. Il veut croire que tu vas bien aller. Want to believe. Cher. Ah oui, c'est beau, c'est un pas d'astronaute qui est dessus. C'est un assemblage Ricky au 89 FM, c'est fou. Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ça, c'est pas une petite fille, c'est le contraire de la classe. C'est une femme qui se caresse dans le métro. C'est correct, hein? On a le droit de se caresser, mais bon. Scène assez étrange filmée par un usager dans le métro de Chicago aux États-Unis alors que la rame était à l'arrêt. Le jeune homme a saisi son téléphone portable pour filmer une femme en train de se caresser au niveau de l'entrejambe, comme dirait Mathieu Plante. Sur les, les images, on peut clairement la voir mettre sa main dans sa culotte. À un moment donné, elle la ressort, OK? Quand elle sort sa main la première fois, elle a un papier de toilette dans les mains. Elle la met son papier dans une sacoche, ressort un autre rouleau de papier de toilette et se fait une motte et se remet les mains dans les culottes. Et là, on pourrait dire, ah, la vidéo dure 10 secondes. Non, non, ça dure 2 minutes et demie. Il y a même le gars qui filme, à un moment donné, il regarde sa caméra, il est crampé, il en croit pas ses yeux, puis il est pas loin, là, il est à un banc de la fille. Jamais la femme ne porte un regard autour d'elle, voir si elle est seule ou pas. Elle doit être gelée. C'est un instant sérieux pour vraiment... c'est une scène très, très étrange et comme j'ai dit tantôt, c'est le contraire de la classe. Ça, c'est officiel. On va rester dans le contraire de la classe ici. Et vous allez voir les deux prochaines qui s'en viennent, c'est le contraire de la classe, là. Aux États-Unis, au moins lui, je pense pas qu'il ait, d'après le titre, il a pas l'air d'avoir fait mal à personne. Ça, c'est moins pire, là. Mais c'est un pervers qui s'est introduit dans une maison et essaie les culottes de madame. C'est dans une habitation de... Ah, là aussi, c'est à Chicago. C'est peut-être le chum de l'autre. Dans une habitation de Chicago aux États-Unis, une caméra de vidéosurveillance a filmé un voleur en train d'essayer des petites culottes de sa victime. En pleine nuit, donc, l'homme s'est introduit dans la maison d'un couple en se glissant par la fenêtre. Une fois à l'intérieur, et alors que la femme dormait paisiblement dans la chambre, le cambrioleur s'est prêté à une petite séance d'essayage. Stephen Freeman, le propriétaire des lieux, explique « Ma copine a eu très peur en découvrant les images. Il a partagé la vidéo sur YouTube et avec comme titre « Ce pervers a fait éruption dans ma maison pendant que j'étais dehors. » Sur les images de la caméra vidéosurveillance, on peut donc voir l'homme mettre son casque audio sur ses oreilles avant de se balader dans la pièce, fouiller dans les tiroirs pour enfin enfiler une culotte par-dessus son pantalon. Quelques minutes après, il est reparti ainsi en volant une photo de la femme. OK, mais moi, je vous le dis, il doit avoir un lien certain de parenté avec l'autre qui se touchait dans le métro. Les deux sont à Chicago, c'est sûr. Ici, j'espère que ça ne se passe pas encore à Chicago cette fois-ci. Non. Ça se passe plutôt en Angleterre. Un cambrioleur prend le temps de violer un ours en peluche. Dans un communiqué, la police anglaise a indiqué avoir retrouvé un cambrioleur grâce à des traces de sperme laissées sur un ours en peluche. Mais sérieux, quand vous faites vos vols, vous commettez vos crimes, vous êtes vraiment cave. Sérieux, c'est hallucinant. Paul Montaigne, 38 ans, a donc été arrêté et placé en garde à vue en fin de semaine dernière dans le comté de Lancashire, en Angleterre, et accusé d'avoir cambriolé un hangar. L'homme a pu être confondu grâce à un indice assez insolite. Lors de son vol, le cambrioleur n'a pas pu retenir ses pulsions sexuelles. Des traces de sperme ont été retrouvées. C'est, ça les excite de voler. C'est un peu ce que je comprends. Des traces de sperme ont alors été retrouvées sur un ourson qui traînait dans le hangar. La police explique que le suspect avait pris soin de faire un trou dans la peluche pour la pénétrer. OK. Grâce à des... Donc, il s'est fait du fun avec Teddy. Ridicule. Grâce aux analyses d'ADN, le voleur pervers a très vite été retrouvé puisqu'il était déjà fiché par la police pour divers vols. Ah, son ADN était connu. Il n'a pas pensé, le cave. Non, mais vraiment, là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, grâce aux analyses, c'est ça. Comme l'explique le site Metro News, pendant son interrogatoire, Paul Montaigne a déclaré aux enquêteurs qu'il avait pris des amphétamines avant de cambrioler le hangar. Au moment du viol de l'ourson, il était en pleine descente et avait une envie folle de sexe. Il n'a pas pu se retenir. Hein? Il était 16 ans en fait, fallait que je me mette. Après avoir plaidé coupable, le violeur de peluche a été remis en liberté sous caution. Il sera jugé prochainement. Et en ce moment, il est jugé par tout le monde qui entend la nouvelle. Non, mais tu sais, quand même, hein? Assez intéressant. Non, je peux. Oui, on va aller avec ça parce que là, sinon, c'était trop sérieux. Faut que je reste dans le léger, hein, avant de retourner en musique. On va aller parler de cette enseignante, Jessica Vanessa. Drôle de nom, hein? A quitté son emploi pour faire du twerk sur Vine et pour gagner beaucoup d'argent. Jessica Vanessa, donc, ne détestait pas son emploi d'assistante enseignante dans une maternelle de Floride, mais elle préférait encore plus faire du twerk sur Vine. Beaucoup plus, en fait. Il y avait à faire de l'argent, en plus, à faire dans ce domaine. Je comprends pas. C'est hallucinant. Là, il est écrit « Je gagne en 6 secondes ce que j'aurais pris 4 mois à gagner comme assistante enseignante », assure-t-elle sur Barcroft TV. Oh oui, à twerk, là, on peut comprendre. Elle se brasse les fesses sur un méchant temps. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur le site de partage de vidéos, elle affirme gagner un salaire annuel dans les 6 chiffres en se brossant le cul. Mais sérieux, gars, je lâche le micro puis je m'en vais me faire du twerk. Il n'y a pas grand gars qui en font comme ça. Je pourrais me brasser de même, mais je suis sûr que je me défais le dos. Vanessa raconte que sa décision a été critiquée en ligne, mais qu'elle a le soutien de sa famille. Selon le Jezebel, voyez la vidéo pour en savoir davantage. Allez voir cette vidéo. C'est tellement important. Non, mais je peux pas comprendre comment quelqu'un peut gagner en faisant des vidéos de 6 secondes. Comment... Elle peut gagner tant d'argent. Sauf que on voit là, sur le site Vine, tu vois le nombre de loops, puis à toutes les 2 secondes, là, ça monte de 100 presque. Comprenez? Fait que c'est comme ça qu'elle fait de l'argent, mais comment l'argent est distribué? Premièrement, l'argent sur Vine, moi en ce moment, ça roule le vidéo. Là. Mais comment elle reçoit de l'argent de ça? Moi, en tout cas, je m'excuse, mais j'arrive pas à comprendre. C'est Vine, sûrement, je sais qu'il la paye. Mais où est la publicité en ce moment? Il n'y a rien. Je sais pas. En tout cas, tant mieux pour elle. Et imaginez, il y a des gens qui ont des talents, qui travaillent fort à longueur d'année, qui mettent beaucoup d'énergie dans leur truc et qui sont quand même pauvres, elle se brasse le cul pour un salaire dans les 6 chiffres et ça prend 6 secondes. C'est honteux. Et parlant de honteux, hein, ça va avec, là on est rendu là. La planète n'a jamais eu aussi chaud en septembre. Le saviez-vous, le mois de septembre n'a jamais été aussi chaud pour la planète depuis le début des relevés qui ont commencé en 1880. Selon les derniers chiffres de la NASA publiés cette semaine, cette annonce s'inscrit dans une tendance générale de records de température, incluant les mois de mai et d'août de cette année, et ce, partout sur la planète. 2004 pourrait devenir donc l'année la plus chaude jamais enregistrée selon les récentes données. C'est joyeux! Allons faire du twerk! Septembre, température hallucinante. Pour le docteur Gavin Schmidty, eh bien, climatologue à l'Institut Goddard de la NASA, et pour les études spatiales, il ne faut pas trop se focaliser sur un mois ou une année, mais plutôt élargir l'analyse sur le changement climatique d'origine humaine. Sérieux. D'une tristesse absolue, hein, comme l'autre qui fait du twerk. Ici, quelque chose de très mignon. C'est un homme qui sauve un oiseau en lui faisant un massage cardiaque et vous pouvez tout regarder ça en vidéo. Ça se passe au Brésil. Un amoureux des animaux a réussi à sauver un petit oiseau de la noyade. Lorsqu'Alexandro Sambati a remarqué qu'un oiseau se trouvait au fond de sa piscine, il n'a pas hésité une seule seconde. Il a sauté dans l'eau pour récupérer le petit tyran qui vit, une espèce de passereau de la famille des tyrannidés. Ramené sur la terre ferme, l'homme lui a non pas fait du bouche à bouche, mais du bouche à bec. Pour tenter de le sauver en lui apportant de l'air et en lui faisant un massage cardiaque, il a pu réanimer miraculeusement l'animal. Mais vraiment, pour le petit oiseau, c'était terminé. Mais non, belle histoire. Ici, tiens, on va rester dans l'émouvant, hein, avant d'aller en musique. Oui, j'ai le goût d'aller en musique, il est l'heure du dîner, là, et puis je suis tanné de parler. Émouvant, 33 ans après, il peut enfin revoir sa femme grâce à un œil bionique. Ça se passe à Durham, aux États-Unis. Larry Esther, 66 ans, a pu enfin revoir sa femme grâce à un œil bionique, 33 ans après avoir perdu la vue. Larry Esther, donc, a perdu la vue à l'âge de 33 ans à cause d'une rétinite, une pigmentaire, une maladie dégénérative héréditaire et incurable. Mais en 2013, lorsqu'il apprend que des chercheurs du Duke Eyes Center vont expérimenter un œil bionique, Larry saute sur l'occasion et demande de faire partie des premiers à pouvoir tester l'invention révolutionnaire. C'est alors qu'on lui implante une prothèse équipée d'un capteur réceptif aux signaux lumineux, envoyé par une caméra montée sur des lunettes spéciales. Les signaux sont également retransmis au cerveau. Paul Hahn, chirurgien du Duke Eye Center, précise que la prothèse ne permet pas de retrouver totalement la vue, mais elle peut aider Esther à distinguer une porte, un mur ou un passage piétonnier sur la voie. Larry Esther est le 7e Américain à bénéficier d'un œil bionique et espère que son expérience profitera à d'autres. Dans la vidéo qu'on vous propose sur la page Facebook du Dîner de Con, Larry va pour la première fois en 33 ans revoir sa femme Jerry. Surpris d'abord par la lumière, il va sursauter. Oui, oui, oh mon Dieu, je te vois. Hein? C'est-tu pas une belle histoire? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe en dresse où on se mange ou boit une grosse pointe en dresse de quelque chose, Steph. Mm-hmm. Revenons un petit peu en arrière dans la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait tantôt? Tu m'as présenté quelque chose. Oui, ben j'avais une proposition pour toi, pour ta chronique, une grosse pointe en dresse. J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment, mais vraiment titillé et allumé. Puis je trouvais ça totalement génial. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour toi. Donc moi, j'ai pris le produit en photo et je te l'ai montré pour te le proposer. Ben oui. Évidemment, mais évidemment, c'est exactement ce que j'avais choisi pour aujourd'hui. Parce que je suis un gars si prévisible que ça, ou encore que j'ai tellement de goût que je réussis à te battre dans le bon goût, tu sais. On peut voir. Non, tu m'as pas battu, j'ai trouvé la même chose. Ouais, mais tu l'as trouvé, mais je l'ai pogné en premier puis je l'ai amené à la chronique. Mais c'est parce que c'est pas mon travail de faire, c'est pour ça que je voulais te le proposer. Mais t'as bien fait, et en effet, c'est ce qui arrive, je l'ai dans mon sac ici. Ça vient juste dire qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est exact, et c'est pas pour rien qu'on anime ensemble, hein. C'est un match made in heaven, c'est la destinée des choses. Et évidemment, tu m'as posé la question, Steph, tantôt. Quel saveur des trois as-tu choisi? Ah! Tellement naïf! On n'a pas encore dit quels sont les saveurs ou qu'est-ce que c'est le produit. C'est pour ça qu'on vous laisse languir. Mais évidemment, le choix de réponse était soit le choix numéro 1, le choix numéro B ou le choix numéro gamma. Hein? évidemment, la réponse, si tu me connais, c'est... Ben, c'est les trois. C'est les trois! Ben oui! Évidemment que c'est les trois. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Pour ceux qui veulent savoir, on parle des nouvelles Cadbury Dairy Milk. Il y a trois saveurs. C'est en fait dans leur catégorie Marvelous Creations. Wow. Création donc merveilleuse. Ils en ont trois que j'ai vu jusqu'à maintenant. On a explosion de bonbons, donc jelly popping candy. Ensuite, on a cookie nut crunch, donc éclat de biscuits et noix. Je pense la plus plate un peu de la gang. Et la troisième, c'est, je pense la préférée de tous à l'œil, c'est banana caramel crisp, étincelle de banane et caramel. Malade. Mmh. On a les trois en studio. C'est des gigantesques, je vais le dire, barres. Ben, j'ai vu celle aux bonbons en petit format. Ah, sans blague. Mais pas les deux autres. J'ai pas vu les petits formats. Évidemment, je regardais pour les gros. On s'en fout. Hein, dès le départ. On s'en fout des petits formats. Est-ce qu'on essaie... J'aimerais ça les essayer toutes. J'aimerais ça prendre jusqu'à 10 heures, probablement, pour faire cette chronique-là. Tant qu'à être là. Mais je pense qu'on devrait commencer par une. Ben oui, c'est sûr. Laquelle? Moi, je dirais qu'on devrait y aller en ordre de ce que tu dis qui avait l'air le plus plate au plus étonnant. Bonne idée. Est-ce qu'on se fait un mois d'octobre spécial sur les trois barres? Non, on fait pas ça. Ça aurait été drôle quand même. Genre les trois prochaines chroniques, c'est ça. Non, je serais pas capable d'attendre. Ça va juste me faire souer. Mais peut-être qu'on peut en garder une pour plus tard. Pour une autre chronique une autre fois. Peut-être une. Ben oui, tout le monde est au courant. Alors, tout le monde veut juste savoir ce que ça goûte. T'as bien raison. Donc, on va y aller avec éclat de biscuits et noix. C'est bien ça que tu veux? Oui. Parfait. Donc, c'est Marvelous Creations par Cadbury et Dairy Milk. Évidemment, on connaît les Dairy Milk. C'est les barres bien standards qu'on achète presque jamais parce qu'elles sont trop plates. Hein? Non, j'adore ces barres moi aussi, de chocolat-là. J'adore. Je les achète moi-même. Je les achète fréquemment même. Oui. Mais je trouve qu'ils ont l'air plates sur le bord du comptoir d'habitude comparé aux autres. Non. Donc, Marvelous Creations à l'affiche. Ils n'ont pas osé traduire en français le terme Marvelous Creations. Ça reste en anglais, même à l'endo où le texte est en français. Donc, à l'affiche, biscuit caramel croquant, noix caramélisée et Cadbury Dairy Milk, exquis, porte cette combinaison de saveurs vers de nouveaux sommets idéal à partager. Ça nous dit « Ouvrez et émerveillez-vous ». Ou en anglais, peel me back and gather around. Donc, rassemblez-vous. Ah. En anglais, tu vois que c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'ils ont fait des grosses barres. Ils veulent pas que t'en manges tout seul. C'est ça, c'est une barre de party. Donc, mais oui, tu vois, c'est très, très festif comme emballage. Ah oui, mais c'est très, très carnaval, cirque un peu, je dirais. Peut-être moins l'emballage vert. Je trouve que l'emballage rose a l'air plus cirque un petit peu. Mais quand même. Donc, c'est très, très joli avec des vagues de lumière et d'étincelles, d'étoiles et d'ingrédients qui courent de partout. Et même, t'as un canon en chocolat. On mange de canon aussi. On mange de canon, c'est génial. Je pense que c'est pas mal ça pour les informations. Je vous l'ai déjà dit que dans cette chronique-là, on se sac des bienfaits nutritifs ou méfaits nutritifs. C'est pour ça que t'en parles encore à chaque fois. Ben, j'aime ça, le dire qu'on le fait pas, parce que les gens se demandent pourquoi on n'en parle pas. Voilà, donc je pense que c'est assez. On va ouvrir ça dans le micro magique. La barre Marvel's Creation aux éclats de peu importe. Énorme. Hey, au toucher à travers l'emballage, on sent tout. La garniture. Oui. On dirait qu'il n'y a comme pas assez de chocolat pour la garniture. C'est immense. Es-tu prêt? On est prêt. Il y a une slot à ouvrir et c'est marqué dessus de peler. Tu peux comme enlever là, dans le milieu. Tu peux comme séparer le. Trop tard. L'aluminium. Okay. Elle est nue. Elle a perdu sa robe de chambre. C'est très moelleux, j'ai essayé de l'éclater. Pourtant, elle était au frigo toute la nuit, même bien avant ça. J'ai sorti ce matin avant d'arriver à l'émission, donc elle devrait être encore froide. Moi, c'est ce que je préfère, vous le savez, avec les chroniques. Elle ne l'est pas. Le chocolat froid, elle ne l'est pas. Bon. Le dessus de la barre, il semble y avoir des dessins. Oui. Parce que moi, joli. J'ai comme un morceau de bois, mais gravé bois. Moi, je crois de la pierre et l'autre, c'est écrit juste simplement Cadbury dessus en caractère attaché. Et si on regarde, les morceaux sont pas de la même grandeur. tu vois, c'est comme plein de grandeurs différentes. C'est très festif, là. Très festif. Peut-être difficile à découper de façon juste pour tes invités, mais bon. Hein? Ben là, ben là. À un moment donné. OK, là. On va goûter maintenant. Je suis prête. Mm-hmm. Tu goûtes les bonbons. On dirait. Je sais pas pourquoi. Heureusement, moi, j'ai pas de noix. C'est juste comme le biscuit, qui est très bon d'ailleurs. J'ai pris un petit peu de biscuit aussi. Texture plaisante. Oui. Ça se mange bien. Quelques morceaux plus croquants que d'autres, en effet. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a littéralement dedans. On n'a pas lu les ingrédients, on aurait peut-être dû. Amandes hachées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Noisettes hachées. Donc, il y a des amandes, des noisettes. Mm-hmm. Je vois pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas de biscuit, c'est juste comme du sucre qui, à un moment donné, s'agglutine et forme le biscuit. C'est ça, t'as sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, huile de palme, mets végétales, farine de blé, noisettes hachées, amandes hachées, fécule de manioc, amidon de blé, poudre de cacao, sel et le reste en plus petite quantité. Donc, je pense que ça contient principalement des noix et des morceaux de biscuits. Ça dit dans le texte derrière, c'est biscuits caramel croquant, noix caramélisées, entre autres les ingrédients principaux de ça. C'est très, très bon. C'est moi, j'adore ce chocolat-là. Donc, je pense que c'est excellent pour acheter une petite touche de fantaisie dans sa collation. Exact. Et là, ça me manque de pas essayer les autres. Ben. C'est vrai. On y va? Est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on laisse faire les nouvelles pour cette semaine, vu qu'on a autant de bonnes? Ouais, on mange. On va manger à la place. Est-ce qu'on essaie étincelle de banane et caramel ou encore explosion de bonbons? Écoute, moi, je suis partante. Peu importe. Partante pour les bananes? Peu importe. OK. On va aller avec donc étincelle de banane et caramel. Parce que, je te laisse ouvrir ça. Parce que même si j'aime les bananes, je suis quand même peut-être pas nécessairement attirée par les sucreries à saveur de banane. Non, moi, c'est le contraire. J'adore ça. Je peux peut-être te parler par ça là d'un restaurant aux États-Unis qui sert un déjeuner à 300$ parce que les gens veulent boire du champagne au déjeuner. Donc, déjeuner à 300$ chez Denny's, une version plus classe de leur Grand Slam. Ça s'appelle le Grand Cru Slam qui vient avec des œufs, des crêpes, des saucisses et du bacon avec une bouteille de champagne de luxe selon le New York Daily News. À la place de venir donc avec un verre de jus d'orange, on te sert un Dom Pérignon 2004 avant d'aller travailler. C'est dans les 1600 Denny's. En fait, il y a plus de 1600 Denny's. Des Denny's? Denny's, D-E-N-N-Y-S, apostrophe S, pardon, Denny's qu'on appelle. C'est comme ça. Il y a seulement un seul restaurant qui offre cette option de déjeuner de luxe. C'est à New York City, dans le Financial District, donc le quartier des gens qui s'occupent de la bourse là-bas. Donc, on a ouvert la barre de chocolat. On va goûter à ça. Attention. Je suis prête. Ça ressemble beaucoup à l'autre. J'ai l'impression qu'ils ont concentré les saveurs dans des petites boules biscuitées. Ça se peut, hein? Ça se peut. Goûtons. Oh, la banane, hein? Non. Non? Tu l'aimes pas? J'adore ça. J'aime pas ça. Ça goûte la banane chimique. Hein? Très croquant. Ah, tu trouves? Ouais. OK? Non. Ça dit friandise à la banane, morceau de caramel, gaufrette croustillante. Voilà qui n'est pas ordinaire. Mais moi, j'aime beaucoup le goût des bananes chimiques. Ces petites bananes jujubes. Hein? Pas jujubes en mousse, si on veut, en guimauve. Ça goûte même pas ça, je trouve. T'as raison. Ça goûte peut-être plus le sirop aux bananes. Tu sais, les antibiotiques dans le temps. J'aime vraiment pas ça. Mais je regarde dans les ingrédients s'il y a des bananes. Mais non, il n'y a pas de banane là-dedans. Non, y a quelque chose de banane au moins fait à partir de... d'ingrédients véridiques. Non, c'est clairement des saveurs artificielles de bananes. C'est pas précisé, c'est marqué arôme naturel et artificiel. T'as sûrement raison. Et j'aime pas ça. Malheureusement. Si vous aimez le goût de la vraie banane, vous aimerez pas ça. Mais si vous aimez le goût artificiel de la banane, vous allez aimer ça parce que c'est quand même très goûteux. Oui, c'est ça. C'est comme si tu disais, moi j'aime les framboises, mais t'as deux sortes. T'as le framboise jujube et t'as la vraie framboise. C'est bien vrai. Est-ce qu'on ouvre la dernière? Oui, mais je veux pas rester avec le goût de la banane. C'est ce que je me disais. Pendant ce temps-là, je vous parle d'un café qui bloque les signaux sans fil. C'est à Vancouver, dans le Faraday Café. C'est comme entrer dans un trou noir, en fait. C'est le premier au monde à repousser les signaux sans fil pour que ce soit impossible de recevoir un appel ou un message texte ou regarder tes courriels. Oh. Les créateurs du café espèrent que vous allez parler à vos amis ou aux étrangers à côté de vous, ce qui arrivera certainement pas dans mon cas. C'est donc au Faraday Café à Vancouver. Alors qu'il y a un autre café qui lui demande le système d'honneur. À la place de payer ton café en argent, tu le payes sur le système d'honneur. Donc, on pourrait penser que ça allait causer des vols, mais dans le Dakota du Nord, non seulement le système de l'honneur fonctionne, mais en plus, ils font de l'argent. Le propriétaire dit que toute l'attention qu'ils reçoivent pour cette idée-là de charger aux clients seulement ce qu'ils veulent payer, hein, n'est pas très surprenant, l'aspect médiatique. C'est dans une petite ville quand même, une petite communauté très très proche, donc les gens se connaissent et évidemment veulent pas avoir la réputation d'être une personne malhonnête. Mm-hmm. Donc le monsieur et sa femme qui gèrent le café dans cette petite ville de 6700 habitants, ils n'emploient aucun barista, personne pour faire le café. À la place, les clients choisissent leur café eux-mêmes dans un distributeur, si on veut. Il y a des options Keurig à une seule tasse à la fois, ainsi que des pâtisseries et des boissons gazeuses. Les prix sont listés, mais c'est aux clients de décider ce qu'ils veulent payer, soit par carte de crédit, argent ou chèque. Pas de monnaie nécessaire. Une pancarte dit « Vous avez juste à arrondir à peu près. Hein? » Ah? Puis aidez-nous à rester en affaires, genre en arrondissant vers le haut, si vous pouvez. Donc, la pratique a amené 15% plus d'argent que les prix qui sont demandés. Et les clients ont l'air très, très heureux. Et c'est du libre-service, donc c'est pas du café de qualité non plus. C'est juste du curry, mais quand même, c'est correct, du curry. Ben oui. Ça fait la job. C'est cool. Voilà, donc c'est une bonne idée, je trouvais. Voilà. Ouais. On était rendu à goûter donc à la bar Marvelous Creations, explosion de bonbons. Lisons un petit peu juste derrière. Qui aurait dit que fèves en gelée, friandises pétillantes, morceaux de bonbons et Cadbury Dairy Milk exquis créeraient une aussi merveilleuse explosion de saveurs? Donc, il y a des jelly beans dedans, Steph! J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Moi aussi, je pense. Ça est beaucoup moins texturé que les deux autres. Okay. Donc, il n'y a pas de texture en dessous. Là, la barre est lisse, contrairement aux deux autres. Tout à fait. Mais sur le dessus, je vois quand même un petit peu des vagues. Oui, c'est le même dessin dans le chocolat. Ah. Mais c'est parce que les autres, en dessous, il y avait les bosses du biscuit des noix. Ouais. Parfait. Donc, goûtons. J'espère que les jelly beans vont être goûteux. Ouais. Bah, c'est pas mauvais. C'est pas super. Il y a des petits bonbons qui pétillent. Ah, bien sûr. J'en veux. Ça vient de pétiller dans ma gorge. Mm. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve qu'il n'y a pas assez de garniture à l'intérieur. C'est vrai, c'est fade. Il devrait avoir un peu moins de chocolat puis mettre beaucoup de stock enrobé de chocolat. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que ça irait chercher beaucoup plus d'impact. D'après moi, ça doit être les commentaires qu'ils vont recevoir le plus. Et j'espère qu'ils vont changer peut-être un petit peu leur recette parce que pour moi, ça a énormément de potentiel. Mm-hmm. Les trois bars, moi, sérieusement, c'est sûr que j'en rachète. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Peut-être pas assez comme j'aurais dû ou que j'aurais pensé les aimer, mais je vois le début de cette histoire d'amour entre ces chocolats Marvel's Creations et moi. C'est très agréable. Je te dirais que celle aux bonbons, c'est mes préférés, ça me pétille encore dans la gorge, puis je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de tomber sur ce morceau-là, je pense que ça va être pour plus tard. Moi, pour vrai, je pense qu'à date, ma préférée, c'est celle avec les bananes, mm-hmm. pour l'instant. Mais je vais leur laisser plus de chance et les manger, on va finir ça tantôt. J'imagine ces trois bars-là, ça ne durera pas longtemps dans le bureau, ça. Donc, comme toujours, un autre succès dans une grosse pointe à l'adresse. Oui. OK, oui. Ouais, c'est à peu près ça. Je pense que c'est à peu près ça. Le lien vers mes nouvelles sur assemblagerequis.com et on fait une grosse pointe à l'adresse les mardis à 9h. 15h20. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.